êtes assis. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Alexandrine Pichisser sera de retour avec sa chronique des précieuses découvertes. Et on recevra nos habitudes mercredi, Sébastien Fierta et Frédéric Bernard. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mercredi 9 mars 2016, 48 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Pente. Et moi, Tania Baudet. Salut Tania! Hey, bon matin! Hey, faisait beau hier? Eh oui! Hein? Puis aujourd'hui ça glisse! C'est discutable! Ça, on va en reparler, mais il y a quelqu'un qui mérite de se faire parler dans le casse! Oui! C'est ça, en par effet. Rapport à ça. Bel retour, beau be- retour! Beau retour de la relâche, hein, pour voilà, les gens. Voilà, absolument. Donc aujourd'hui, l'émission, Tania, on a à 8h Sébastien Guertin, c'est chronique Butin-Guertin, il va nous parler d'actualité au niveau canadien habituellement. Ensuite, à 8h30, Frédéric Bernard et Google Globe qui va survoler Internet en lui posant une question absurde. On va avoir un invité spécial aussi dans l'émission d'aujourd'hui pour parler de livres et de réfugiés syriens à la fin de l'émission. Mais on commence avec Alexandrine Pichessir, que voici que voilà. Bonjour à toi. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien, on est contents. Mais là, je suis un petit peu déboussolée ce matin. C'est quoi ce thème d'ouverture-là? Je suis pas habituée. Non, là. C'est ça. Ah ben, nous non plus. Non, on la joue pas trop souvent non plus. On a cinq chansons thèmes cette année. Oui, OK. En rotation, puis celle-là ben, est une parmi tant d'autres. Peut-être la moins bonne de sa liste. Hein? Ouais. C'est ça. Mais c'est, on s'entend que c'est pas si pire que ça. Non, mais quand même, moi, je m'attendais à un petit rock matinal. Là, ça me déboussole. Non. C'était, ouais, c'est notre version indie. Exactement. OK, d'accord. Bon, donc justement, Alexandrine Pichessir, que voici, avec une chanson thème particulière pour aujourd'hui. Voici ces précieuses découvertes. I am woman, hear me roar. In numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I'm wise, but it's wisdom on the pain. C'est si bon cette chanson-là. Hey, c'est merveilleux comme tout. Moi, Tania, je la connais. Tu l'as quand même par cœur, c'est inquiétant. Ben oui, ben mais en fait, non. La version que j'ai ici, c'est la version karaoké, donc probablement que tu l'as chanté en karaoké à un moment donné, non? Non, même pas. J'ai entendu cette chanson-là dans un film. Dans Sex and the City 2, ma belle. Voilà. Oh, voilà, boum! On l'a eu. Bref, une chanson sur la femme, sur les femmes. I am woman. Mais détrompez-vous, mais c'était hier, la journée de la femme. C'est fini. Alors, cher Mathieu, cher Tania, aujourd'hui, pour mon retour en force, je vais vous faire un petit spécial Single and Fabulous. Ah, bravo. Célibataire et fabuleuse, parce qu'on est une radio francophone. C'est ça. Parce que je trouve ça difficile, des fois, la vie de célibataire. Tu la vis pas depuis extrêmement longtemps non plus, il faut dire. Non, c'est vrai, mais dans la vie, je suis quelqu'un d'extrêmement dramatique, comme vous avez vu. Alors, je vis mes émotions d'une manière très, très forte. Et je voulais justement partager avec vous mes trucs et mes précieuses découvertes. Quelle bonne idée. Dans la vie de célibataire. Pour se sentir belle et fabuleuse, parce que c'est donc bien important. Ah oui, c'est vrai. Pour sa période d'une semaine de célibat. Je sens que ça va une semaine, toucher, Mathieu Plante, quand même. Franchement, ouais, là, je Mathieu, suis pas si désespérée. Voyons. Alors, nous allons commencer. Je suis allée au cinéma. OK, je vous avertis tout de suite. Aujourd'hui, on est dans le pop, on est dans le mainstream. Oui, OK, le facile. Pas dans le facile, parce que des fois, la facilité, ça fait du bien, tu sais. Oui. Puis, tu sais, si on crée ces œuvres-là, si on crée ces choses-là, c'est pas pour rien, tu sais. Alors, nous allons commencer par un film extrêmement girly qui est au cinéma en ce moment, qui s'intitule « Célibataire, mode d'emploi ». Ah, mon Dieu, oui, c'est avec ouais, la fille qui jouait dans Pitch Perfect. Oui, qui faisait Fat Amy. Exactement, ouais. Qui est absolument magnifique dans ce film-là. En fait, c'est comme plein de petites histoires qui se passent. En fait, c'est deux histoires qui se passent en parallèle. Je fais les signes parallèles. Oui, c'est ça. Caméra 3. Caméra 3. En fait, c'est plusieurs types de célibataires parce que, en effet, il y a plusieurs types de célibataires féminins dans le monde et masculins. Il y a, par exemple, la fille qui cherche absolument l'homme de sa vie via les réseaux sociaux, Tinder, Badou. Mais là, c'est un film américain, alors c'est pas. Wow. Mais ça, on va reparler plus tard des trucs comme ça. Wow. Il y a la fille qui a le chum parfait. Puis ça, ça arrive extrêmement souvent, surtout à notre âge. Tu sais, on rencontre l'homme de sa vie, on a 16 ans. On vit une belle vie, on est proche de notre partenaire de vie. Mais étant donné qu'on a connu une seule personne ou très peu, on décide de partir, puis d'aller découvrir un peu la vie, puis après ça, on se rend compte que « Merde, j'ai peut-être pas pris la bonne décision! » Mais des fois, quand tu reviens, il est trop tard! Ouais. Alors, tu décides de... C'est là que tu as la claque d'en face, puis tu décides qu'il faut que tu te serres les coudes, puis que tu continues. Il y a aussi la traditionnelle femme de carrière qui a pas le temps d'avoir un chum parce qu'elle est trop occupée par sa carrière, mais que dans le fond d'elle, quand elle vient chez eux toute seule le soir, elle pleure. Elle a besoin de se coller. Avec une bouteille de vin. Oui, on ou va trois. Parler de ça aussi tantôt. Et il y a aussi, parce que dans ce film-là, on parle seulement d'un garçon célibataire qui est le trou de cul. Là. Ben oui, c'est là, le fuckboy. le fuckboy, mais qu'on a de la misère à pas s'attacher. C'est t'sais. Ça. Oh, celui-là. Fait que bref, ce film parle justement de la vie de célibataire, mais ce que j'aime, c'est que c'est pas juste « Yeah, on se saoule, on fait le party, on se met des belles robes qui coûtent cher, on... » Tu sais, ça se passe à New York en plus. Tu sais, j'avais peur que ce soit une mauvaise version de Sex and the City, mais au contraire. Et dans le fond, je pense que c'est presque un an dans la vie de cette jeune célibataire. Puis ça nous montre que des fois, ça fait du bien, tu sais. On a besoin de revenir aux sources, de se découvrir en tant que personne. Puis souvent dans la vie, on s'oublie à cause de ça. On met de côté nos projets, on met de côté nos rêves pour bâtir une vie de couple solide, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Mais des fois, ça fait du bien de se dire, je suis un être humain, je suis indépendante. Et si j'ai envie de le faire, je le fais. Puis c'est pas un homme qui va m'en empêcher. Aha! Voilà. Alors, puis tout le long du film, j'avais mon popcorn avec mon chocolat puis mon jus de pêche parce qu'à chaque fois, jus de pêche? Je bois toujours du jus de pêche quand je vais au cinéma. Ouais, la machine à jus, là, radioactif. Ben oui! Ben oui. C'est ça, il est genre orange fluo, puissant, là. Ouais. Mais c'est bon, puis là, tu le bois au complet puis à la moitié du film, t'as envie de pipi. Mais bref, j'étais assis là avec mon assortiment de junk food puis dans ma tête, c'était juste « Fais-toi pas de chum. Si ça se fait un chum, je quitte la salle. » Tellement. Alors, je vous invite fortement à aller le voir si vous êtes soit déprimé ou même si vous êtes en couple. C'est un bon film à aller voir. Puis je trouve qu'il y a une belle morale, même si c'est vraiment un film typiquement américain. Mais n'amenez pas votre chum si votre chum, c'est le trou de cul dans le film, ça m'étonne. Ben, quoi que si tu veux faire, peut-être savoir réaliser. Que c'est le trou de cul, peut-être qu'il va réaliser. C'est que, ça. Après ça, tu fais comme « Hey, chérie, c'est-tu moi le personnage du gars? » Il me fait penser à toi. Exactement. Parce que c'est pas marqué genre le trou de cul de service dans. Non, parce qu'il est quand même sympathique comme personnage. Ah, ils sont tout le temps très sympathiques comme personnage. Malheureusement. Puis vous allez aussi apprendre à travers le film des règles fondamentales de la vie de célibataire que je ne connaissais pas, justement. Ah! Puis que maintenant, je regarde puis qu'on comprend mieux. C'est ça. OK. Alors, c'était la version cinéma. Sinon, version série télé. C'est un incontournable, on va se le dire. Puis, Tania, j'aimerais avoir ton avis. OK. Ouf. On va en parler. Sex and the City. Ben oui. Sex and New York. Ouais. Moi, quand j'écoute ça, j'ai dû écouter les saisons une trentaine de fois. Wow. Mais quand j'écoute ça, je me sens, on dirait que ma vie de célibataire est moins pire. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, je trouve que ça déstresse ta vie un petit peu parce qu'elle en a pas mal à vivre. Elle en a pas mal à vivre, puis elle est donc bien bien dans sa vie. Puis, tu sais, j'ai juste envie de m'acheter une paire de Manolo Blahnik, me faire faire une manucure, me promener dans Trois-Rivières, faire comme « Look at me, I'm fabulous ». Tout à fait, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Fais-le. Mon budget, parce que des Manolo Blahnik, ça coûte pas 30 ouais, cents. Ouais, c'est ça. Mais c'est donc bien beau. Un jour, Tania, tellement. On va aller à New York. Puis on va s'en acheter. Cotisez-vous puis partagez-le. C'est ça, exactement. On va se cotiser un pied chaque. Tu portes du combien? Du 8. Ah, oh, je porte du 6, ça marchera pas. Déjà, ça fonctionne pas. Alors, abat les clichés. Au pire, dites-le à la personne que vous le faites, mais sortez vous ça en streaming, puis c'est tellement bon, les films aussi. Ouais, ouais, le deuxième, un petit peu plus décevant. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il était un petit peu plus décevant. Par contre, j'ai plus apprécié le voyage dans le deuxième que dans le premier. Oui, effectivement, mais c'est très différent, mais allez-y. Oui. Puis osez Carrie Bradshaw. Et... Oui, oui, c'est ça. Osez être une femme que vous voulez être, point. Oui. Oh mon Dieu, Mathieu, t'as une petite anachronique. À date, là, je capote. Est-ce que tu vas mettre en application tout ça, Mathieu, dès ce soir? C'est sur Netflix, tout ça, là, que j'aime taper ça ce soir. C'est sûr, c'est sur Netflix. Le pire, c'est que j'aimerais ça avoir ton avis là-dessus parce que dans le temps où j'habitais avec un coloc masculin et une coloc féminine, moi et ma coloc fille, on écoutait Sex and the City et le coloc est genre venu juste sur le coin du divan, juste comme zioté. Ouais. Puis là, quand il a vu qu'il commençait à aimer ça, il est comme parti. Oui, tu sais, rien, fait comme ah ah ah. Puis on fait, hey, t'aimes ça? Oh, je retourne dans ma chambre. Ben, franchement, mais... Ah, les gars, ça se calme, voyons donc. Hey, c'est pas parce que c'est pour les filles, entre guillemets, que ça peut pas être bon, là. Non, pis écoute, si. Parce que tu y a pas juste des gars qui sont donc ben attachés à leur indépendance dans la vie. Si tu cherches une blonde, écoute ça. Oui, parce que automatiquement, tu vas savoir ce qui les fait pogner en rogne. C'est ça, pis tu sais. Les hommes arrêtent pas de dire que les femmes sont compliquées. C'est donc ben pas vrai. Tout le monde est compliqué. Hein? Ouais, ah, oh, bien dit, tout le monde est compliqué, c'est vrai. Mais non, écoute, on veut juste une chose, c'est être aimé puis se faire donner de l'attention, ah, tu sais. Ah, voilà. Et aimer l'autre aussi. Ouais, ça aide. Ben oui, mais les filles, on dirait qu'elles aiment toujours l'autre. Accessoirement, c'est vrai. Okay, c'est bon. C'est les gars qui aiment pas. Bref, on continue avec le segment musical. Hier, sur mon Facebook, j'ai publié ce petit... truc. Salut Facebook. En cette journée de la femme, je cherche la chanson qui vous fait sentir le plus girl power. Du genre, j'ai pas besoin d'hommes car je suis fucking merveilleuse. Mm-hmm. Alors, je vais vous sortir un petit peu les réponses qu'on m'a sorties. Et je vous suggère fortement, si mesdames, vous vous entraînez et vous êtes frustrées de la vie, de vous faire une belle playlist avec ces chansons et ces artistes. En tout cas, moi, je fais ça puis on dirait que sur mon elliptique, je me sens vraiment belle. Mm-hmm. Alors, nous avons le traditionnel You Hotta Know de Alanis Morissette. Ouais. Ben oui. Que une de mes chansons de karaoké préférées, je pense. Sinon, nous avons I Don't Need a Man des Pussycat Dolls. Ah, ben oui. C'est drôle, mais j'écoutais Don Vincent en secondaire 5. Y a-tu quelqu'un qui écoutait pas ça en secondaire 5? Ouais. Ouais, bon. Mathieu, j'imagine Mathieu version secondaire 5 maintenant. Ah mon Dieu. Ah, ben, il doit s'en ressembler encore. C'est un compliment, ça, ben. Ben oui, ben oui. Ok, merci. T'écoutais quoi quand t'étais en secondaire 5? Je me rappelle pas. J'ai un blackout total de ma jeunesse. Power Rangers. Power Rangers. J'imagine avec genre un chandail des Power Rangers. Pas ça. Hey, ma réputation. Oh, excusez. On t'aime, Mathieu. Merci. Sinon, je vais laisser faire les gens qui m'ont écrit des mauvaises blagues. Wanna Be des Spice Girls, oui. Qui est un classique. La chanson qu'on a écoutée en ouverture, I Am Woman, de Ellen Reddy. Qui a une petite version comme country chic, ouais. Un peu, mais I am strong, I am invincible. Ça me semble que ça te fait sentir sexy un petit peu. Sinon, nous avons aussi Être une femme de Michel Sardou. Si Mathieu, tu peux nous en faire écouter un extrait, c'est quand même assez comique. Être une femme. De Michel Sardou. À la fin de ton segment musical, on écoute ça? Oui, parfait, pas de problème. Nous avons aussi Dirty de Christina Aguilera. Ah ouais? Oh. Ah, ok. C'est vrai que ça te fait sentir un peu. Un petit peu cochonne. Ouais, c'est vrai. OK. Je vais pas dire ça trop fort, on est quand même à la radio aussi. Sinon, nous avons aussi Just a Girl de No Doubt. Oui. Ah, ben oui. Qui est vraiment une chanson quand on est fâché. Ça, j'écoutais ça, No Doubt. Au secondaire, j'écoutais ça pour vrai. Mm-hmm. Ouais, c'était bon, No Doubt, dans le temps de Don't Speak. Oui, ben oui. Oui, exactement. Puis dans le temps que Gwen Stefani avait les cheveux roses. Exact. Sur ça, j'étais plus jeune, moi, j'étais au primaire. Oui. Allô? une de mes préférées aussi, Around the World Girl. Ben oui. De, attendez, mesdames et messieurs, Queen Bee. Mm-hmm. Et moi, Beyoncé, là, je pense que c'est mon fantasme de vie. J'aimerais donc ben ça être Beyoncé. Elle me fait sentir comme. Oh! C'est vrai, elle l'a. On peut pas dire qu'elle l'a pas, là. Non, puis c'est Queen Bee, là. Il y en a pas deux comme elle. Il y a aussi, encore une fois, de Beyoncé, Single Lady. Ouais. Ah ben oui. Mais ça, tu sais, c'est bon, mais ça fait le mouvement de main, en plus, hein? T'as fait le mouvement de main sans mais non, je l'aime bien, j'aime ce que ça dit, mais ça me fait pas sentir fabulous. Ouais. Ça me fait sentir single and alone. Ouais, c'est ça. Sinon, une découverte que j'ai faite de mon ami Jason Gauthier. Allô, Jay. Salut. Ruthie Foster... La chanson, c'est Phenomenal Woman. Ah qui oui. C'est donc ben bon, cette chanson-là. Ça me dit quoi, ça, Phenomenal Woman? C'est pas une vieille chanson? Je pense que oui, mais tu sais, c'est comme... C'est groove. Mm-hmm. Je sais pas comment décrire ça. C'est vraiment bon. Puis à date, c'était mes choix. Sinon, j'essaie de penser dans... Parce que dans mon Spotify, j'ai un... Une playlist station. Single and fabulous. Mm-hmm. Et c'est pas mal les chansons. Il y a aussi de Carrie Underwood... Ah, comment ça s'appelle? Before He Cheats. Ah, ben oui. Ben oui, celle-là aussi. Oh, ça me donne envie, genre, de m'habiller en cuir avec un chapeau de cowboy, sortir ma clé, faire comme... En effet. Mais pas mal toutes les chansons country féminines, tu sais, moi, j'allais dire Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Oui. Tu sais, c'est je pense que c'est des femmes qui, déjà, en étant des chanteuses country, implorent ça d'être femme, là, puis d'être célibataire, puis d'aimer être célibataire, effectivement. Et je crois que, tu sais, au Festival Country, il y a toujours des concours de chant à Saint-Tite. Je pense que l'année prochaine, je vais, genre, me mettre vraiment en cuir avec un chapeau de cowboy et je vais chanter une chanson country de femme et je vais kicker... Tu devrais. Des cowboys. Des cowboys. Alors, on peut-tu écouter... Ben oui, Michel Sardou. Un simple extrait, parce que tu faut quand même pas abuser. Okay, un petit extrait. C'est-tu, ouais. Être une femme. Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe. C'est la version vidéoclip, il y a plein de transitions bizarres. Non, non, mais c'est pas ça, mais le clip il est bon. Oh, regarde-le, Mathieu. C'est genre plein une espèce de femme d'affaires, là, sexy, elle arrive. Alors, paradis, je sais pas pourquoi. J'aime tellement la pop française, moi ça me fait mourir. Il a pas l'air confortable par contre, Michel Sardou devant autant de femmes. C'est une femme, ils sont belles en plus. Ouais. Alors c'était un simple extrait, je pense qu'on... C'est assez. Ça me donne pas envie de danser. Ça date de 2010 la chanson, mais... On dirait que ça a été fait en 62. Ouais. Non, j'ai que ça genre en 92. Ouais, genre. Spécial. Alors c'était Michel Sardou, mesdames et messieurs. Être une femme. Sinon, on a beau parler de chansons, de films qui nous motivent, de séries. Des fois, on passera pas à côté. On aurait envie de disparaître, peut-être. Disparaître. Parle pas je comme sais pas. Ça. Me mettre en boule dans un container. Okay. Des trucs comme ça. Ok, j'exagère. J'exagère toujours. Les gens, faut pas qu'on en prenne. Mais bref, j'aimerais ça qu'on parle des vins cheap qui nous font du bien. Ah ben oui. Tu sais, moi, sincèrement, s'il est 10h58 et que je veux m'acheter du vin, je vais au dépanneur, puis là, j'ai pas 200 ans pour décider quelle est ma piquette préférée. Sincèrement, moi, c'est le Revolution Red. Ah, ben oui! Mm-hmm. Hey, il est bon, lui. Il est bon, il le fait dans le blanc aussi, hein? Oui, très bon. Ça doit être le Revolution White. En effet. Mais non, c'est comme, c'est un bon 1 litre, ça goûte pas dégueulasse, puis ça fait du bien. Mm-hmm. Sinon, mais il y a aussi... Ben, moi, je l'aime pas parce que j'ai eu des mauvaises expériences, mais le Wildwood Trail... Ouais. Oui. Pas au compte de Wildwood Trail. Mais il est bon. Acide un peu. Mais dans une sangria. Ah, OK. Ben oui. Le mixé. En fait, les vins cheap font les meilleurs sangria. Exactement. On c'est va vrai. Se le dire. Mais non, ne calez pas du Wildwood Trail. Non. Trois-Rivières, c'est une mauvaise idée. Sinon, vous, votre piquette préférée, est-ce que vous... Les, c'est quoi, les Wish for quelque chose? Oui! Ça passe oui, wish for oui, more? Oui, oui, oui. Moi, j'adore Wish for Love. Ouais, ouais, OK. tu pleures devant Sex and the City, devant du Wish for Love. C'est parfait. C'est vrai, hein? J'avoue que ça fait... je pense que ça s'appelle du Toro Loco. Oui, avec le petit taureau dessus, ben oui. Oui, c'est ça. Bouteille jaune, je pense. Exactement. Jaune. Oui, oui, quand j'étais serveuse, j'en servais, puis je gardais tous les petits taureaux. Oui. Mais oui, c'est vrai qu'il est bon. Puis dans le Wish For, dans le blanc, Wish For Luck est très, très bon aussi. Puis il y en a un qui est genre Sparkle, puis c'est Wish For Fame, Je pense que oui. En tout cas, si je me souviens bien, oui. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas bu. Je pense que je suis due pour un petit Wish For. Sinon, dans le rosé, il y a le fameux Nicolas Lalou. Oui, je le galop c'est le mot aussi, que je cherchais, là, oui. C'est, ouais. Il y a aussi le Marquis de Méricourt. Oui. Qui est un... Dans le rouge moins, mais dans le blanc quand même. Ça, surtout dans le coin de 10$, 11$. Finalement, on est alcoolique des vins et ben, c'est ça. Non, mais pourquoi? Pourquoi payer plus cher pour quand tu connais pas ça? Mais c'est ça, je me dis. Puis si vous allez à la SAQ, vous allez rire, vous allez faire « Oh mon Dieu, Alexandrine! » Le cupcake! Ah ouais? Sérieusement, c'est un excellent vin. Ah! Un petit cabernet sauvignon de Californie, je pense, qui est pas trop cher. Il l'a pas en dépanneur, mais si vous êtes paumé, vous allez à la SAQ, je vous conseille le cupcake. Qui est un excellent vin. J'imagine que c'est pas très, très charnu. Hein? C'est quand même assez sucré, ouais, c'est ça. Je dirais. Sinon, crème glacée préférée. Oui, oui, c'était le prochain segment, parce qu'avec la déprime vient la crème glacée. Puis je pense que la Häagen-Dazs était ou est en spécial chez Métro en ce moment. Ah, magnifique. plug. La Nestlé Sundae là, au caramel. Là. Ah ouais, oh, Nestlé bon. Sundae au caramel. Ah, ouais. Vraiment très bon. Sinon... Les petits pots vraiment pas épais. Là. Très OK, c'est genre les formats collation. Ah, non, c'est, oui. C'est quand même assez large et profond. Mais ils en ont fait des formats individuels il n'y a pas très longtemps, mais ouais, les gros formats, là. Sundae Nestlé. Celui au caramel. Très. Okay. Ouais. T'es très caramel, toi. Ouais, vraiment. Ouais. Plus que chocolat. Ouais, plus que chocolat. Sinon, j'aime aussi la... je ne sais pas s'il est encore, c'est un mélange gâteau de fête de crème glacée. Ah, c'est bon. Ah, ouais. Mais moi, je trinque. Hein? Il y a des sprinkles dedans? Oui, il y a des sprinkles, puis ça goûte le ciel. Sinon, il y a la traditionnelle Häagen-Dazs, la pâte à biscuits. Ouais. Puis des fois, mettons, je vais manger ça avec la pâte à biscuits à côté. En plus? Ouais. Mais ça, c'est vraiment dans les Migros. Moi, j'ai de la difficulté à manger de la pâte à biscuits comme ça. Je trouve que ça goûte... J'ai jamais goûté à ça. Fille, si vous... voyons donc. La crème glacée à la pâte à biscuits, oui, mais pas de pâte. Mais je suis classique dans mes crèmes glacées. Tu sais, j'aime beaucoup la crème glacée vanille. Ouais. Déjà là, tu sais, ça fait... T'es plate. L'aquatico, c'est bon. Ouais, c'est ça. Puis sinon, à la menthe, chocolat et menthe. Yep. T'es tellement fancy. Parlant de Häagen-Dazs, essayez la Häagen-Dazs, le pot est noir, il s'appelle fleur de sel, quelque chose. Fleur de... Caramel fleur de sel. Écœur. Ah, apparemment, c'est très bon. Ouais. Sinon, là, je dis ça, puis c'est sûr, j'allais m'en chercher un pot tantôt. La Ben & Jerry. Okay. Jerry Garcia. Oui, la plus populaire, je crois, des Ben & Jerry. Oui, mais mon Dieu que c'est bon. Ah oui? Une cerise, j'aurais pas pensé à acheter ça. Non, ça goûte pas la grosse cerise à marasquin, tu sais. Okay. Ça goûte la cerise, puis genre avec la vanille, puis le chocolat, là. Ça te fait oublier que ta vie, des fois, c'est difficile. Et sinon, on parlait de vins cheap, et avec les vins cheap viennent les gueules de bois difficiles. Oui, en effet. Et en tant que célibataire fabuleuse, tu ne peux pas avoir de gueules de bois difficiles parce que tu te dois d'être jolie en tout temps. Je vous conseille fortement le thé vert lendemain de veille de chez DVTT. Ah. Oh mon Dieu, oui. Sincèrement, ça te replace un système, ça t'enlève les rides. Puis en plus, tout le monde sait que le thé vert, mais ça te fait une petite shape agréable. C'est vrai. Et en parlant d'alcool aussi, petit truc, parce que, tu sais, en tant que célibataire, on boit plus souvent. Parce que même, tu sais, en date... Moi, en fait, quand je date, je vais prendre un petit verre pour me déjeuner un petit peu, puis je pense que c'est quelque chose qu'on fait tous. Et si vous voulez pas prendre 15 livres parce que vous datez trop, je vous conseille le vodka soda. Ah oui? Qui est un drink très classique, Perrier vodka. Puis là, vu que ça goûte très amer, je vous fais mettre un petit peu de sucre ou un soupçon de lime. Mm-hmm. En fait, les mannequins, ils boivent ça. Ah oui? Fait que c'est vraiment de l'alcool low fat. J'ai envie de la cerise, un petit peu de... C'est comme un peu comme un gin tonic, en fait. Ouais. Ça ressemble beaucoup, mais le goût est différent parce que la vodka, c'est moins agressif. Ouais, j'adore le gin tonic aussi. Mm-hmm. Mais gin tonic, vodka soda, puis en plus, vous avez donc bien l'air fancy avec votre drink transparent avec des bubbles. Avec des bubbles. Alors, je crois que ça a fait le tour de la chose, mais le plus important pour passer à travers une peine d'amour ou n'importe quel épisode difficile de la vie, je pense que c'est de se changer les idées. Oui, vraiment. Parce que de rester seul dans son lit à flatter son chat en se disant que ça va, qu'il n'y a pas personne d'autre qui va vous aimer puis que cette personne-là, c'est la seule au monde qui existe, ça n'arrangera rien. Non, en effet. Les filles, nous sommes des belles personnes, on a des belles personnalités, on a tout à offrir. Ben, go! Faut le mettre en application, faut le croire à la place de simplement la parole. Ouais. Tu sais, tout le monde n'arrête pas de dire « Faut que t'apprennes à être bien avec toi-même! » Ben oui, mais ça arrive pas du jour au lendemain. Non, c'est vrai. Puis peut-être que ça me tente pas d'être bien avec moi-même. T'es pas ma mère. Ouais, c'est ça, c'est ma mère qui me dit. Je peux pas apprendre à être bien avec moi-même avec quelqu'un, mettons. Aussi, mais tu sais, c'est vrai. Puis on le dira pas assez souvent qu'il faut s'aimer soi-même avant que quelqu'un d'autre nous aime. Mais moi, me faire dire ça, j'ai juste envie de lancer mon cellulaire. Ah ouais, en ça face. M'arrache. Fait que, non, changez-vous les idées. Je vous ai donné plein de beaux trucs. Je peux publier des recettes de masques à l'avocat, j'en ai déjà parlé. Faites-vous des traitements capillaires, des manicures, faites-vous des cupcakes, faites votre épicerie, allez au gym. Faites n'importe quoi, mais videz-vous la tête. Vous êtes belle, vous avez tout à offrir, puis un jour, l'homme de votre vie, ben, il va arriver. que c'est beau. Bon, tu aurais dû qu'être avec moi hier soir. Tania, je pense qu'on devrait prendre du World War Trail ensemble. On va aller se boire une coupe de vodka soda. On magasine des Maluno Blanix en rabais, on se fait des manucures, puis on boit du vodka soda. Allez faire l'épicerie tout le temps, c'est là qu'on rencontre des gars entre les melons puis les tines dans les fruits. Ah, c'est comme ça qu'on rencontre, finalement. Alexis, on n'a même pas parlé de Tinder. Ah, tout le monde est au courant. Mais j'ai fait le test, hein, je me suis inscrit sur Tinder juste pour vous. Ouais. Puis les gars, ce qu'ils font juste comme liker tout le monde, oui, parce que OK. Pas moi, ouais, mais les gars en général. Parce que moi, dès que j'avais que je likais un gars, j'avais un match, j'étais, ouais, comme mon Dieu, je suis fabuleuse, mais non, d'après moi, ils font juste tout like. Ben, ça augmente leur chance d'avoir un match s'ils like tout le monde. C'est sûr. Je comprends pas. Mais moi, je like pas n'importe qui, on s'entend. Ben, mais non, mais ça, c'est purement féminin de pas liker n'importe qui. Et certains gars, c'est ça. Moi, je suis comme une fille dans le Tinder match. Ouais, c'est vrai. Parce que Mathieu puis moi, on pas. Je devrais pas s'en vanter nécessairement, mais je devrais pas m'en vanter. Mais c'est ça pareil. C'est vrai. Que toi, tu like pas n'importe qui. Je like comme une fille, moi. Ouais, il like comme une fille. J'analyse le profil, je regarde les amis en commun, qu'est-ce qu'on a comme passe-temps. Puis s'il vous plaît, les gars, les photos de genre, je te montre que je suis un douchebag. Qu'est-ce que tu veux? Ben, j'avoue qu'il y en a qui veulent juste pogner des chouing-chouing. Ouais. À la base, c'est une application pour ça. Ça l'a changé depuis quelques temps, mais à la base, c'est ça. Puis je connais une couple de gens qui ont rencontré l'homme de leur vie sur Tinder. Moi, mettons après... une couple qui avons perdu aussi. Je te comprends. Mais bref, après le salut, ça va. Divertis-moi. Et moi, je ne veux pas te parler en premier. Hein. Divertis-moi. Hey, là, tu fais reculer le féminisme de quelques dizaines d'années. Là. Pourquoi? Divertis-moi. Non, mais elle vient de dire, il faut que tu m'écrives en premier. Ben oui. La femme a le droit d'écrire en premier aussi. Oui, elle a le droit, mais moi, je suis vieux jeu. Okay. Je suis très traditionnel. Si tu veux, tu viens. Sinon, laisse faire. Oh, wow. On pourrait le prendre au deuxième degré, ça. Attends, pouvez-vous répéter ce que j'ai dit? Non, non. Mon Dieu, je suis désolée, j'haïs ça quand je fais ça. Des fois, je parle trop vite, puis là, si je me rends compte que c'est un petit côté sexuel, puis là, je me sens mal. Ouais, grave. Yeah, c'est correct. C'est... Mais bref, je suis classique, alors viens me parler en premier. C'est ça. Mais je suis plus sur Tinder, fait que désolée. Bon. Trouve trop une tard. Autre manière. Viens à la 8 le lundi soir. Ouh, 20h. Est-ce que tu joues la semaine prochaine? Non, j'ai joué cette semaine. Fait qu'on va être en demi-finale. Oui, demi-finale dans quelques semaines. Ça, il y a la poule 8. J'ai donc bien hâte à la poule 8. Oui, ça s'en vient le 21. Voilà. Merci Alexandrine. Hey, de rien. J'espère que j'ai aidé des gens ce matin. Ah oui. Moi, je vais t'appeler Alexandra McQueen. Pourquoi? Parce que Drama Queen. Queen B. Tu l'as dit tantôt. Mais en fait, je pense que vous pourriez m'appeler Queen A. Ah, ça serait pas pire. La Queen A de l'UQTR, là, ça me ferait donc bien plaisir. Wow. Que le surnom. Voilà. Merci Alexandrine. Je vous aime beaucoup et à dans deux semaines. Oui. Bisous. On retourne la pause. Sébastien Viertin et son bulletin Guertin. C'est là. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes à Assemblage Reiki en ce mercredi 9 mars 2016 à l'Italia Bonin. Avec Mathieu Plante. Ça sonnait comme mercredi. Hein, c'est vrai, mercredi. C'était pas sûr entre les deux. Tu sais, en 2016, là, ils écrivent l'heure et la date sur l'ordinateur. Ils pourraient pas écrire le jour de la semaine aussi, ça m'aiderait. C'est vrai, hein? Ça m'aiderait. Je suis d'accord avec toi. Mais bon. J'y ai longtemps passé. Ah oui, hein? On devrait lancer l'idée. Moi qui trouve que je sors des idées qui n'ont pas vraiment rapport et que personne ne demande sur vraiment. Sur celle-là, je trouve que c'est très intelligent. Je gagne un point. Merci. Merci. Je gagne un point. Un homme qui apporte souvent des points très, très pertinents, c'est Sébastien F. Guertin. Et point rime avec bulletin et rime avec Guertin, fait qu'à... Quin. Bienvenue, Sébastien F. Guertin. Bonjour. Ça va? Ah, oui, parce qu'on peut pas dire bon matin. on se rappelle que c'est pas français. C'est vrai, c'est anglophone. Voilà. Ah ouais? Ouais. Fait que ça a rimé. Ça tombe bien en plus parce que normalement, je dis tout le temps bon matin. Ouais, c'est ça. C'est une chance. Moi aussi, je le dis encore. Mais même c'est si devenu très courant en français, là. Tu sais, à Mané, c'est une langue vivante, le français. Faudrait arrêter de virer fou avec ces affaires-là. Oh! Tu vois? Hein? Déjà, ça part de même. Avec ouais, il y a une mauvaise humeur. Fâché! Il y a une mauvaise humeur à matin. Non, bon, hey, tu m'as dit la même chose la dernière fois que t'es venu à l'émission, que t'étais de mauvaise humeur, ou il y a deux fois, il me semble, quelque chose comme ça. Mais ça a super bien été, fait que tu sais, gars. Yeah, hein? Ben, c'est ça qui annonce, c'était vraiment une blague. Là. Ça fait les meilleurs chroniques. D'ailleurs, je voulais dire, tu disais bulletin, Guertin, ouais. Ça rime, puis tout, mais vous marquez que mon nom rime. Sébastien aussi. Guertin. Ouais. Mais c'est le F, c'est sûr que c'était pensé! Mon frère s'appelle Julien aussi, fait que c'est encore pire. Incroyable, mais là, il faut trouver un... nom rit tout le temps de nous autres à cause je de savais. Ça. Je savais. Il faut trouver un mot en F qui rime avec un aussi. Sébastien Fingertin. Un Fingertin. Ouais, on va dire, ouais. Il est pas sûr. Ce n'est pas de la journée. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet qui m'a en fait mis de bonne humeur. Bon. Oh! Puis là, ça va ressembler à un sujet assez lourd, mais c'est quand même, à mon avis, c'est quand même assez des bonnes nouvelles. Toute chose n'est pas parfaite, mais quand même. De quoi je parle? Je vais parler de la nouvelle politique d'immigration qui a été dévoilée lundi par la ministre Kathleen Vail. Ah. C'est le fun, je me suis rappelé de son nom parce que je l'oublie tout le temps. C'est la retenue, ouais. Ouais, puis c'est parce que je la mêle avec Anune au fédéral. Non, c'est pas au fédéral. En tout cas, il y a une première ministre de province qui s'appelle Wine à la place. Puis je les mêle tout le temps, ouais. Les deux. Fait que, mais ouais, c'est ça. Ça faisait 25 ans que notre politique d'immigration était en place. Donc, elle a été mise en place en 1990. On s'entend, le monde a changé depuis. Ouais. Quelque peu. Quelque peu, modérément. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est généralement des bonnes idées qu'ils ont eues. Mm-hmm. Ah ouais? Fait que, ouais, on va en parler un peu. Ben, premièrement, dans les bons coups éclatants, une des choses, ils ont dit qu'ils veulent ramener présentement pour les gens qui veulent faire passer leur statut de résident temporaire à résident permanent. Dans le fond, c'est comme la première étape pour devenir un citoyen, c'est devenir un résident permanent. Comme tel, un résident permanent a à peu près tous les droits qu'un citoyen, paye ses impôts, tout le kit, a le droit de travailler. La seule affaire, c'est qu'il n'a pas le droit de vote et pas le droit de se présenter. Il y a d'autres nuances, là, comme, mettons, si tu t'en vas, mettons, au Moyen-Orient et que tu es pris en otage, le Canada va peut-être se sentir moins obligé d'aller t'aider. Certaines choses comme ça, ouais. Tu peux être expatrié quand même, mais, mettons, résident permanent, t'as déjà pas mal, c'est déjà beaucoup plus difficile d'être expatrié. Donc, c'est ça, c'est la première étape. Après un certain temps comme résident permanent, ben, on considère que t'es un citoyen, puis là, ben, là, tu passes ta cérémonie de « le nom m'échappe ». D'assermentation, c'est ça. D'assermentation. Là où tu chantes au Canada, il faut que tu le saches par cœur. Oui, puis tu fais comme, j'ai une de passer proche, je vais me péter à la gueule en glissant, mais au Canada! Ouais, là, faut que tu prêtes allégeance à la reine, mais ça, c'est toute une autre histoire. J'en parlerai pas là-dedans, j'étais de bonne humeur à matin. J'étais à l'arrêt d'autobus ce matin avec une étudiante internationale, tu sais. Et là, elle marchait vraiment, tu sais, sur la pointe des pieds, puis elle avait de la misère, puis elle pensait qu'elle allait tomber dans sa glace. Puis là, elle arrive dans l'arrêt d'autobus, elle dit toujours bonjour le matin, à chaque matin, tu sais. Puis elle dit, ah, le Canada, hein. C'était pas bonjour, c'est ah, le Canada. Ouais. Ben oui. Ouais, on était à cette époque de l'année où il y a comme de la slush glace, là. Ouais. Il y a comme de l'eau par-dessus. Là. De la chasse. Ça, c'est les gens comme toi, Mathieu, qui se promènent constamment à pied et avec des souliers oui, plats. Pas des bottes. Je comprends pas comment vous faites. Sérieusement. À chaque année, je me dis l'année prochaine, je vais m'en acheter des bottes. Mais non, je le fais jamais. Puis d'ailleurs, puis là, tout le pourquoi que je suis tout énervé de cette nouvelle-là, même si ça a l'air d'être quelque chose de quand même assez business et assez. Paperassère et tout, c'est que ben, c'est mon sujet de maîtrise en fait. Ah, fait que c'est ça. Yes, ah. C'est d'actualité. Oui, la philosophie, c'est d'actualité des fois. Elle sert tout le monde qui me dit si tu fais là-dedans, ça sert à rien, puis le temps génial. Non, ça sert à ça, entre autres. ça, je l'avais sur le cœur depuis un bout. Ah, bon, voilà, c'est fait. Seb se sent mieux. Mais ouais, non, mais c'est parce que ça fait partie des affaires que quand tu disais à quelqu'un, moi j'étudie en philosophie, c'est que si les affaires, tu te poses la question si la chaise est là, mais pas là vraiment, ou si quand t'es pas là, elle est là, puis elle est plus là. Ou... Non, c'est pas ça. Ça, c'est le choix de Schrödinger, pas de ma part. Ça, ouais, ça c'est la philo de base du cégep. Ouais, c'est ce que j'ai pas fait, même là. Ouais, c'est ça, même là. Même là. Bon, t'inquiète dans parenthèse. Il y a un certain petit nombre de philosophes qui nous font la réputation qu'on a. Je pense à Heidegger, entre autres. Okay. C'est pas nécessairement des pommes pourrites, mais c'est juste que ça demande beaucoup plus de c'est effectivement beaucoup plus abstrait puis beaucoup plus, on va le dire, bizarre. Ouais. Ouais. Je pense à Heidegger, entre autres, ceux qui ont vu ce, c'est il fait des phrases de malade. Puis non, généralement, la philosophie, c'est beaucoup plus... Comme je disais avec des collègues hier, on est beaucoup plus mononcle brun qu'on a l'air. Fumer du pot dans des cours, puis pour étudier, ça arrive pas. Là. Tu pourrais pas. Bref, on va revenir sur le sujet. Parce que sinon, je sais que ça finira plus. Oui, l'immigration. Donc, premier bon coup de la nouvelle politique d'immigration dévoilée lundi, c'est que, bon, le temps que ça peut prendre pour devenir citoyen résident permanent, ça peut prendre de 4 à 6 ans. Ils ont dit qu'ils réduiraient ça de 80% pour amener ça à pas bien plus que 6-8 mois. Ah, mon Dieu, quand même! Ce qui est une très bonne chose, oui. On s'entend. Tout le monde qui connaissait un ou une étudiante... La fille de la radio. C'était le jour de la femme hier, là, je me force un peu. Ouais, c'est ça, merci. Qui dans le fond, c'est ça, qui est étudiant, qui voudrait devenir résident ou résidente au Canada. C'est très difficile. C'est beaucoup, beaucoup de paperasse. Les délais de réponse des gouvernements, parce que là, il y a le fédéral aussi là-dedans, c'est très, très long. Si c'est long au provincial, après ça, il faut que ça s'en aille au fédéral. Fait qu'imaginez un peu si c'est long au provincial déjà. Ouais, c'est plus facile d'avoir une greffe de... C'est encore drôle. C'est une autre affaire. Mais ouais, tu restes dans des délais. C'est des 4 à 6 ans là, qu'on disait. Là, c'est quand même assez intense. En plus, il y a des coûts reliés à ça. Puis ben là, il y a des coûts indirects parce que là, les gens sont obligés de des fois retourner dans leur pays d'origine un certain temps pour ensuite revenir. Là, c'est du trouble. Ça les coupe dans leur possibilité de trouver un emploi, d'être dans le fond productif. Puis c'est ça d'ailleurs, on parlait particulièrement du cas des étudiants internationaux qui viennent étudier ici, ben d'essayer de les garder le plus possible. Ça, j'étais contente parce que j'ai l'impression que je faisais cavalier seul là-dessus depuis un bon bout de temps, entre autres dans le dossier des frais de scolarité des étudiants français. J'ai dit, Colin, on veut qu'ils restent, arrêtez de tout faire pour plus qu'ils viennent. Ouais. Mais c'est drôle, puis parenthèse, mais je parlais avec une fille française qui disait que les Québécois qui était derrière eux, qui allait manifester avec eux, qui encourageait leur point, qui les appuyait, leur nuisait. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, j'aimerais avoir ses explications, honnêtement. Là. Elle disait vraiment, arrêtez, c'est notre combat, c'est pas le vôtre, vous êtes pas touché par ça. Si vous n'êtes pas touché par le sujet, tu peux pas manifester pour eux. Ouais, ben, je pense qu'on peut faire montre de solidarité quand même. C'est ça. Moi, je vois ça d'un point de vue assez, tu sais, on dit égoïste de Québécois, mais on a intérêt à garder ces gens-là de toute façon. Ben oui, il faut. Tant qu'à moi, c'est juste un non-sens tout ce qui s'est fait par rapport à ça depuis un certain temps. Ça. Mais bon. je serais curieux d'avoir ces explications parce que ça a sûrement ses raisons de dire ça. Mais je peux pas vite comme ça, je pourrais pas dire pourquoi. Là. C'est sûr qu'une gang qui s'est mise là-dedans, c'est l'AC, entre autres, à Montréal, certaines assos facultaires à Montréal qui sont très militantes, puis qui, des fois, malgré leurs bonnes intentions, font plus de mal que de bien pour les causes qu'ils essayent d'aider. Okay. Mais ça, c'est que la situation du mouvement étudiant à Montréal puis la situation du mouvement étudiant hors de Montréal, c'est deux réalités complètement différentes. Puis ce qu'on a l'impression ici qui fait du tort, là-bas, ça a l'air de marcher pour certaines choses. Mais en tout cas, là-dessus, là encore, je veux pas trop embarquer là-dedans. J'ai déjà été bien au courant de ces affaires-là, je le suis beaucoup moins que je l'étais. C'est voulu d'ailleurs. Mais ça m'aide à dormir la nuit. Donc, c'est ça. Réduire le temps des... ça, on s'entend, on peut pas être contre ça. Ben non, c'est déjà long, 6 à 8 mois, je sais pas trop quoi. C'est sûr que 6 à 8 mois... Ben, tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup de vérifications à faire. Ouais, quand même. Il y a beaucoup de demandes aussi. Mais comme je dis, ça, on peut pas être contre la vertu. Il y a pas de... On a intérêt à le faire. Tout le monde a intérêt à le faire. L'autre chose aussi, on parlait des étudiants, c'est sûr que ça nous touche plus, mais aussi les travailleurs temporaires qu'on appelle. Tu sais, les Mexicains qui viennent cueillir des fraises. Ouais. Là, ouais. Ce que personne d'autre ferait ou voudrait ben, faire. Ben, c'est ça, c'est qu'il y a des jobs comme ça que c'est rendu un fait sociologique, mettons, que on a besoin d'importer des gens, pour faire ces tâches-là. Puis bon, de toute façon, c'est sûr que tout ça s'inscrit encore et toujours dans un contexte de démographie vieillissante. Je l'ai bien dit, démographie. Ouais. Je dis démocratie à peu près 40 fois dans une journée. Et démagogie. Juste démagogie aussi. Fait que tous les mots en démo, des fois, ça va pas bien. Démo Tupperware. Mais ça, c'est des choses que je fréquente moins, en fait. Peut-être que je devrais plus, d'ailleurs. Ah oui, vraiment. Tu vas-tu des Tupperware? Voulez-vous que je vous en parle? On va se jaser. Ah, c'est ça. J'ai besoin d'un nouveau boîte. Il n'y en a pas des papiers. Tu ris, mais non. Mais non. Ouais, c'est ça, les travailleurs temporaires. C'est souvent une classe qui est une catégorie de gens, en fait, qui est très négligée. Mm-hmm. Bon, puis là, justement, dans le cadre de ma maîtrise, j'ai lu plusieurs études faites sur le sujet. Puis des études, autant des études en sociologique, sciences politiques, ces affaires-là, même en économie. Puis des études en philosophie aussi de nos devoirs moraux en lien avec ces gens-là. Puis bon, c'est sûr que... Puis ça, on oublie ça souvent. On tasse ça du revers de la main, on les oublie un peu. On est très content de les oublier, même des fois. Mais ça reste que c'est quand même des gens qui viennent faire nos tâches ingrates. Peut-être devrions-nous en prendre acte un peu. Puis peut-être, tu sais, je veux dire... peut-être que ça serait une bonne idée de faire rentrer les... de leur donner des droits aussi. T'sais. C'est sûr que en étant ici, que puis là, je vais parler le Canada est quand même un pays qui est généralement assez respectueux des droits de la personne, avec des très grosses exceptions majeures. Mais bon, mettons, pour les droits des travailleurs, on est quand même assez pas pire ici. Pour étendre les droits, je veux dire, un travailleur temporaire, s'il appelle la police, il va pas se faire enquêter sur lui avant qu'il vienne répondre. Ouais, c'est ça. Ce qui est des choses qui peuvent arriver aux États-Unis, par exemple, ou dans certains autres pays. Puis des fois, même, ça peut être surprenant, les pays qui font des trucs comme ça. Mais ici, là-dessus, c'est pas si pire. Ça reste que c'est quand même un groupe de gens assez négligé, puis c'est le fun qu'on en parle un peu, puis qu'on dise, non, si après avoir passé leur été à faire des jobs ingrats ici, parce que bon. Joue au baseball pour les aigles. Mm-hmm. Ben, on s'entend. Ben oui, mais c'est ça pareil. C'est un travail. Ben oui. Ben ça, c'est un bel exemple, en fait. Ben, j'avoue que je pensais plus à lui, mais c'est un très bel exemple de un peu les non-sens des lois de l'immigration actuellement. Parce qu'on est comme un peu entre deux traditions. La tradition qu'on pourrait dire nationaliste, c'est-à-dire que l'immigration sert purement et uniquement à notre bénéfice. Le bénéfice de la nation. Dans le fond, qu'est-ce qui est bon pour nous autres collectivement, ça va être ça. Puis la tradition qu'on va dire qui est un peu plus cosmopolitique en fait, qui est plus d'ouverture sur le monde, gens peuvent plus se déplacer, qui est vers ce coin on s'en va tranquillement, pas vite évidemment. Vers une fricassée de multiculturalisme. Là, ça m'amène en fait au dernier point auquel je voulais en venir, mais en fait c'est le plus intéressant quand même, c'est que, bon, moi, dans mes travaux, j'ai lu des trucs, entre autres, dans la deuxième catégorie, dans le cosmopolitisme, puis il se commence à se faire de plus en plus d'arguments pour dire qu'en fait, les frontières devraient carrément être ouvertes. Mm-hmm. C'est-à-dire que si t'es de bonne foi à vouloir t'établir dans ce pays-là, dans le fond, là, que t'as pas de casier criminel, tu sais, de gros crimes majeurs, évidemment, c'est sûr que possession de potes à 16 ans, tu sais... On s'entend, là. Ouais. Faut faire la part des choses, mais tu sais, je veux dire, t'es pas un tueur en série, mettons, là, ou tu sais, t'as pas vendu des secrets de l'État, là, ou tu sais, whatever. Exactement. Tu sais, que t'as. Que même, tu pourrais avoir déjà une job ou de quoi, ben, ça peut. Tu sais, il devrait pas avoir de barrière mise à ça. Il y a plusieurs arguments à ça, puis c'est sûr qu'un des points de vue, un des gros arguments à ça, c'est par rapport aux inégalités entre les pays. Mm-hmm. C'est un moyen, puis en même temps, ça va un peu de pair avec. Que ouvrir les frontières permette à plus de gens de pouvoir venir en Occident, arriver de pays en développement, ça pourrait réduire les inégalités éventuellement. Là, il y a encore tout un contre-argument qui dit « Ouais, mais si tous les gens qui ont les moyens d'immigrer, parce que veux, veux pas, ça coûte cher, un billet d'avion, émigrent, ben, il reste qui d'un pays en développement? » Oui, exactement. Bon, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, ce que je vais le dire, l'auteur sur lequel je me base là-dessus, il s'appelle Joseph Karens. C'est un Américain, d'ailleurs, qui est immigré au Canada au début de sa carrière, qui est prof à Toronto, qui est prof de philosophie politique à Toronto. Puis bon, lui, il fait quand même des gros arguments pour ça. Puis il dit, entre autres, c'est que ça marche de pair avec la réduction des inégalités, dans le sens que le jour que... pas nécessairement tout le niveau de vie puis tout ça, mais que les opportunités, mettons, liées aux droits fondamentaux, tu sais, la sécurité, la possibilité de s'éduquer, la possibilité d'avoir accès à un système de santé là, à peu près moderne, parce que bon, ça ici, c'est douteux, là, si notre système de santé est si moderne que ça, là, mais bon, là encore, tout un autre débat. Le jour que ces opportunités-là vont être à peu près semblables, puis évidemment, l'opportunité de à peu près gagner sa vie vont être pas nécessairement pareil, mais équivalente jusqu'à un certain point dans à peu près partout dans le monde, ben il va déjà avoir moins de pression à ce que les gens vont vouloir comme fuir certains pays pour s'en aller vers certains autres, puis ça va être plus ben mettons des gens qui ont toujours rêvé de vivre dans des dans mettons dans la, la, la mettons, dans ce qui fait la spécificité du Québec et du Canada. Là, encore un autre sujet que j'ai vraiment pas le goût d'embarquer aujourd'hui. Parce qu'il s'est écrit des doctorats là-dessus qui finissent par dire « bon, c'est pas vraiment ». Ça, c'est tout le temps assez touché. C'est que, de toute façon, c'est quelque chose de plus, je sais pas comment dire, de plus intuitif et que vraiment là, de rationnel. Mais bon. Donc, cette grosse prémisse-là à propos de cosmopolitanisme, ouverture des frontières puis tout, c'est que ça, c'est peut-être le seul petit bout dans la nouvelle politique d'immigration avec laquelle j'accroche un brin. Puis pas que c'est en soi une mauvaise affaire, mais ça, c'est que j'ai hâte de voir de quoi ça, quelle forme ça va prendre. Ce qu'il faut dire, c'est que, bon, de la façon que ça fonctionne actuellement, là, quand quelqu'un veut immigrer, fait une demande son dossier, dans le fond, la personne a évidemment un paquet d'informations fournies, et son dossier est traité sur une base de premier arrivé, premier servi. Dans le fond, c'est vraiment dans l'ordre de t'as transmis ta demande à telle date, bon ben, t'es à telle place dans pile parce que ceux qui sont avant toi dans pile, c'est ceux qui l'ont transmis la veille, puis ceux qui sont après toi, c'est ceux qui l'ont transmis le lendemain. C'est de même, ça marchait jusqu'à date. Là, ce qu'on va faire, puis là, évidemment, c'est un système qui crée des injustices, mais en même temps qui est pas si injuste que ça, parce qu'on se dit premier arrivé, premier servi. Ce qui est plate, c'est que, bon, présentement, on a des quotas d'immigration, y compris pour les réfugiés, mais parce que le Canada, rappelons-le, est un des rares pays qui, en plus d'accueillir des réfugiés, les intègre. C'est-à-dire que la plupart des pays accueillent des réfugiés, mais... en fait, c'est qu'ils les installent. Et en fait, c'est même pas arrangez-vous, si on vous empêche de vous arranger souvent parce qu'ils les gardent dans des conditions de survie, mettons. C'est un peu comme s'ils forçaient un peu à être sur l'aide sociale, mais ils ont encore moins que ça. Dans un bunker. C'est ça, ils installent dans des quartiers ou des carrément des gens de bidonville. Bon, tandis qu'au Canada, on est un des rares pays. Je pense qu'il y a trois pays dans le monde avec nous qui le font, là, que vraiment, quand on sait qu'ils retourneront pas dans leur pays, ben on leur fournit la capacité de s'intégrer. Dans le fond, on leur reconnaît leur diplôme, on leur permet d'avoir une job. Dans le fond, on leur donne le statut de résident permanent, en gros, avec même un petit peu plus d'aide, parce qu'évidemment, des gens qui sont venus par volonté, qui voulaient devenir résidents ici et citoyens, évidemment, ils sont préparés un peu plus. Des fois, ils ont peut-être un profil qui fit plus avec ici, c'est-à-dire probablement qu'ils sont déjà francophones ou anglophones, puis ainsi de suite. Les réfugiés, c'est pas tout le temps le cas. Ouais, non, c'est ça. T'as pas eu le temps d'apprendre, mettons. C'est ça. T'sais, eux autres, c'est égaroché. Quand tu sais que tu vas immigrer dans un pays, on parlait de notre climat tantôt, veux pas, les réfugiés syriens, par exemple, des manteaux d'hiver, là, ils n'ont jamais vu ça, eux autres, là. Non, c'est ça. Faut qu'ils apprennent, c'est quoi, là? Il y a un temps d'adaptation qui est différent. C'est ça qu'on a vu en veste hier, dehors. C'est peut-être lui. Il y a plein de monde en veste dehors hier. Ben, en fait, je pense qu'on en a, puis ça, faudrait que je revérifie, mais je pense qu'on en a finalement même pas eu à Trois-Rivières, des Syriens. Je suis même pas sûr qu'on en a eu, en fait. Je sais qu'il y en a eu à Drummond. À Drummond ou à Victo. Tu connais ces deux villes-là. Je mets tout le temps ces deux villes-là. Ouais, c'est bon, fait ça. Mais ouais. Donc, c'est ça. Fait que là, j'expliquais un peu comment que ça se passe. J'essaie de retrouver le fil de. Disons, on peut partir de plein de bords avec ces sujets-là. C'est ça, dans le fond. J'expliquais comment que ça fonctionnait. C'est ça. C'était vraiment premier arrivé, premier servi. Puis bon, on a des quotas. Donc, les derniers, des fois, ça va couper avant toi, mettons, dans le fil, entre guillemets. Puis, reste à toi l'année prochaine. Ouais. Là, de la façon que ça va fonctionner, puis en même temps, c'est un système qui est juste puis qui est injuste en même temps. On va comprendre en comparant avec ce qui est dans la nouvelle politique. C'est que là, les gens vont avoir un papier de plus à remplir. Ils appellent ça une déclaration d'intention. Okay. Qu'est-ce qu'une déclaration d'intention? C'est que faut que les gens expliquent, puis là, on ne sait pas quelle forme ça va prendre du tout, mais il faut que les gens expliquent leur motivation à venir s'établir au Canada et surtout, ben, en fait, au Québec, là, dans ce cas-là, parce que là, c'est ce qui est... Parce qu'il faut comprendre aussi, l'immigration, c'est une compétence partagée, c'est-à-dire que le provincial et le fédéral ont leur mot à dire là-dedans. Bon, comme bien souvent, les autres provinces se fient au fédéral assez souvent. Nous autres, au Québec, ben, étant donné qu'on est un peu, veux pas, une société un petit peu différente des autres provinces, ben, on a quand même notre propre sélection qu'on fait. Entre autres sur les questions linguistiques, mais sous d'autres détails aussi. D'ailleurs, j'ai vu ça souvent. Moi, je suis sur Facebook, The Montreal Gazette, le journal anglophone québécois. Puis il y a des gens qui font des commentaires complètement malavisés là-dessus, ben oui, de dire « Ah, on sait bien, hein, les francophones, ils veulent juste se restreindre pour qu'il y ait juste des francophones, puis c'est pas correct, puis c'est limite raciste, puis je l'ai même vu un dire, on sait bien, hein, tous les francophones blancs, c'est tous des Donald Trump en puissance. » Ah, franchement, c'est gentil. Franchement. Ouais. Mais tu sais, on s'entend, c'est, de toute façon, c'est des commentaires sur une page Facebook, là, c'est jamais les plus brillants qui écrivent ça. C'est ça. Mais premièrement, d'ailleurs, Joseph Caron, le philosophe politique de qui je parlais tantôt, que je me base beaucoup sur lequel je travaille beaucoup pour ma maîtrise, qui est complètement cosmopolitain. Il dit qu'on devrait pouvoir ouvrir les frontières partout. Puis il a fait des grosses analyses du nationalisme québécois, ouais, puis de pourquoi est-ce qu'on met tout un peu un avantage. Puis c'est ça l'affaire, c'est ça l'animation, c'est comme un avantage aux gens qui parlent déjà français ou qui ont vraiment une intention marquée de l'apprendre, qui ont juste, tu sais, à la limite, qui le maîtrisent pas, mais qui ont quand même, tu sais, pris un cours au secondaire. Ouais, là, les bases. Puis c'est ça, qui ont quand même un peu des bases, puis tout. Puis lui, qui est un Américain d'origine et citoyen canadien depuis plusieurs décennies, là, je veux dire, ses fils rendus adultes sont nés ici. Depuis les années 40, Karen. Peut-être pas à ce point. Ouais. Mais que lui-même a fait des grosses analyses sur il a fait des gros travaux sur le nationalisme québécois et toutes les politiques reliées à ça, puis qui dit, ben, en fait, c'est exemplaire. Le Québec fait de manière très, très claire et transparente ce que la plupart des pays dans le monde font de toute façon. Ouais. Donc, tu sais, comme mettons notre loi 101, on est beaucoup, y a beaucoup de gens qui sont très, très mécontents de ça. Puis, bon, peut-être qu'elle aurait besoin d'être modernisée. Ça, c'est peut-être une chose. Parce que c'est sûr qu'avec Internet, ça a été fait la loi 101, ça date d'une époque où Internet, c'était même pas une idée encore. Ouais, c'est ça. Ça, on a tendance à l'oublier d'ailleurs quand on la critique. Mais ça s'est rendu quasiment anachronique de critiquer la loi 101 parce que c'est ça, c'est quelque chose qui commence à dater pas mal. Mais il dit, lui, dans ses analyses, lui-même, il dit il y a rien de ça. C'est très normal qu'une société, une communauté comme ça essaye d'un peu maintenir sa langue commune. C'est un droit fondamental des sociétés d'avoir une langue commune. Ça n'empêche pas les gens de parler d'autres langues, évidemment. Tant que c'est fait avec une idée d'ouverture, on va pas commencer à faire la police de chez vous, tu parles du français ou non. T'sais, c'est sûr que ça serait inacceptable, mais généralement, la loi 101, tu peux pas... philosophiquement parlant, là, tu peux pas avoir de problème avec ça vraiment. Là. C'est, à la limite, c'est dans l'application qui est le problème. On avait parlé avec Samuel Girard à mon émission, jeudi 13h. me semble que je l'avais pas fait aujourd'hui encore. Pas encore, non. de l'Office de la langue française, qui est un peu l'organisme qui la met en application. Bon, ça, eux autres, c'est une autre affaire. Ils ont peut-être beaucoup, beaucoup de remises en question à faire. Mais bon. Donc, je disais ça, oui, la déclaration d'intention, nouvelle paperasse à remplir pour rentrer au Québec. Puis, en gros, c'est ça, c'est de un peu... Mettons, l'idée de ça, c'est que le gouvernement du Québec veut connaître les gens qui veulent qui font application pour savoir leur déclaration d'intention, leur intention, qu'est-ce qu'ils veulent venir faire ici exactement, c'est quoi qui les pousse à venir ici. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir aussi, ça, c'est comme le gros morceau. C'est peut-être là que ça pourrait accrocher avec moi, c'est qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils ont à offrir au Québec. Pas de problème. Ouais. L'affaire, c'est que là, on nous sort la petite rhétorique un petit peu fatigante de « Ouais, pour bien arrimer nos choix dans la sélection des immigrants aux besoins du marché et autre chose. » Puis là, on le sait, les besoins du marché sur la formation puis sur les compétences puis ainsi de suite, ils changent souvent. Mm-hmm. Fait que là, on va-tu dire que, ah, ben, cette année, on manque de, je sais pas moi, de programmeurs informatiques, on va en faire rentrer une grosse batch, puis là, l'année prochaine, on va faire, ah, ben, finalement, il y a comme un creux de vague dans cette domaine-là. Vous êtes tout d'or. Ouais, puis c'est que ça, le problème avec ça, c'est que ça devient instrumental à un moment donné, un petit peu trop. Ouais. Parce que c'est sûr que, comme je disais, la mentalité derrière ça, à base, ce qui fait qu'on veut des immigrants, c'est veut pas un peu instrumental dans le sens que ça fait bien notre affaire. Ouais. Mm-hmm. Ben, si ça se fait sur une base de tout le monde est content, c'est une chose. Mais là, si on se met à dire, ah, toi, t'as étudié dans la bonne affaire, mais pas toi. Ben, ça fait un peu américain Ted Cruz qui ferait rentrer que les immigrants chrétiens et tout ça. Ben, choisir c'est ça, sur une base de facteurs de détails, finalement. C'est sûr que si tu te bases sur la religion des personnes, là, c'est vraiment complètement de la discrimination. Ouais, ouais. C'est ça le mot, là, c'est discriminatoire. Mm-hmm. Ça, s'il faisait ça, d'ailleurs, je savais pas que Ted Cruz disait ça. Ben, je me dis, c'est le genre d'affaire qu'il faut. Vérifie, il va passer pour du cash, ouais, s'il te plaît. Mais remarque, ça me surprend pas tant de cette gang-là. Je veux dire, Trump a probablement dit à peu près le même genre d'affaire aussi. C'était sûrement un autre. Mais. Non, mais ça me surprendrait pas de Cruz. Cruz était pas pire. Il me semble qu'il était pas pire chrétien, lui, me semble. Il y a Ben Carson aussi, lui, qui était vraiment obsédé, mais. En tout cas. Ouais, bref. C'est ça. Mais. Fiez-vous pas sur moi, c'est ça que ça veut dire. Bon, ouais. Bref. C'est sûr que si on se base sur la religion des gens, là, c'est complètement discriminatoire. C'est comme de dire, ben, on veut plus d'hommes parce que, bon, dans cette émission, on a besoin de. En tout cas, pour X, Y raison. Ça, c'est pas correct. Ça se fait juste pas. De faire un genre de profilage comme ça ou de dire. Tu sais, il y en a qui vont dire profiler sur la langue. Si on profile uniquement sur la langue maternelle, puis qu'on dit, bon, ben, ceux qui sont pas francophones, de langue maternelle, vous laissez faire, ben là, c'est sûr que ça, c'est pas correct. Mais de dire que, bon, ben, vous démontrez une volonté d'apprendre le français ou vous connaissez déjà le français, ben là, ça, on vous donne des points de plus parce que c'est ça, ça marche avec. Mm-hmm. Quand on évalue vraiment, là, si la personne peut venir, c'est vraiment avec un dossier qu'on évalue avec différents points. Puis ce qui compte pour beaucoup, en fait, c'est quasiment en résumé, il appelle presque ça la capacité de s'intégrer. C'est la capacité dans la langue, dans une des langues communes au Québec. On inclut même l'anglais là-dedans, mais c'est sûr que ça vaut plus de points si c'est le français. Ça vaut plus de points si tu le parles couramment que si tu le que si tu fais juste le baragouiner. Mais mais on va pas demander c'est quoi ta langue maternelle. Ouais. Si chez vous tu veux parler le je sais pas moi le Wolof, une des langues du Sénégal, le bœuf stroganoff, moi c'est ça que je parle chez. Ben c'est la, tu sais, dans la toune des colocs là, qui est comme c'est du Wolof, ça, en fait. Okay. ça vient du Sénégal, entre autres. Ouais. Mais donc c'est ça, on veut pas, c'est pas de savoir quelle langue tu vas parler chez vous, c'est juste de savoir si tu vas être capable d'interagir avec, mettons, par exemple, les fonctionnaires ou les bureaucrates à qui tu auras affaire. Ouais. Si t'es capable de je veux dire, d'aller à l'épicerie, t'sais, si t'es capable de lire que c'est l'épicerie, t'sais, ces choses-là. C'est ça, c'est vraiment là, de base là, ce qu'on demande par rapport à ça. Fait que c'est sûr qu'après ça, d'aller faire une genre de discrimination sur qu'est-ce que les entreprises veulent, ça, me semble que ça accroche un peu. Ça pourrait être problématique. C'est sûr que c'est quand même sur la déclaration d'intention à ce qu'on nous a dit. C'est sûr que j'ai pas encore pris le temps de lire la politique parce que ces choses-là, c'est souvent très long. Oui, en effet. Fait que j'ai lu juste la présentation qui en a été faite là, aux médias puis tout, qui est déjà quand même assez détaillée. Ce que ça dit, c'est que ça va pas servir à choisir parce qu'on a déjà un dossier qu'on fait remplir vraiment pour choisir, bon, qui vient. C'est juste l'ordre de traitement de la demande. Donc, peut-être que ça va rétablir des inégalités parce que dans le sens que ceux qui sont plus intéressants vont passer avant. Mais là, c'est sûr qu'on fait pencher la balance entre nos intérêts et les intérêts des possibles immigrants. C'est sûr que là, on pèse un peu sur notre côté de la balance en faisant ça. Parce que tu joues quand même avec la vie des gens. Là. C'est ça, hein, en quelque part. Puis les réfugiés, eux autres, ils bypassent ça. Les réfugiés, c'est tout un autre système. Okay. Là, je parle vraiment ce qu'on appelle, puis moi, j'aime pas tellement ça, des migrants économiques. OK. Ceux qui veulent une meilleure situation de vie, maintenant. C'est ça, mais c'est qu'on appelle ça migrant économique. Puis c'est un. D'ailleurs, ce terme-là, tu sais, moi, des fois, je taponne ces termes, gant philo, c'est ça qui arrive. Ben oui. Migrant économique, ce que ça sous-entend, c'est que tout ce qu'ils veulent, c'est améliorer leur job. Absolument. Un peu comme quelqu'un qui change d'emploi parce qu'il y a plus de possibilités d'avancement dans cet emploi-là. C'est un peu ça, mais c'est pas rien que ça en même temps. C'est que c'est généralement améliorer leurs conditions de vie. Parce que tu peux très bien être dans un pays qui n'est pas du tout. Ta vie n'est pas mise en danger par quoi que ce soit, puis tout, mais que, par exemple, tu peux te dire que, puis que même il y aurait des possibilités d'emploi, mais que, mettons, là, je m'en allais donner l'exemple de la Grèce, mais avec ce qui se passe ces dernières années, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Ouais. Mais c'est que, mettons, tu pourrais dire, parce que là, c'est ça, il aurait fallu que je trouve des exemples parce que il aurait fallu que je me prépare un peu plus pour celle-là. Mais on va prendre un pays fictif, mettons, où tu as une économie très, très manufacturière, par exemple. Puis que ça roule pas super. Mettons, tu sais, ça, c'est peut-être dans un pays de l'Est, là, pays de l'Est de l'Europe, là, c'est un petit peu ça. Puis que toi, mettons, tes parents avaient économisé ou quoi de même, puis que tu avais été capable d'aller à l'université, mettons, à la limite même dans un pays plus de l'Europe de l'Ouest, dans le fond, tu sais, des pays plus riches d'Europe, là, comme l'Allemagne ou la France, ou ainsi de suite. Mettons que tu as étudié en France, tu sais, tu as eu une bourse parce que tu étais bon à l'école au secondaire, puis que tu as pu aller étudier en France pour faire des études avancées. Puis là, tu retournes dans ton pays, puis tu te dis, ben là, c'est plate parce que là, j'ai fait des études, c'est le fun, j'aimerais ça comme en profiter, j'aimerais ça que ça aille servir à quelque chose. Mais dans ton pays, 99% de l'économie, mettons, là, c'est de l'économie manufacturière ou de l'agriculture. Là, tu te dis, me le dis pas, tu sais. Puis, tu sais, je pourrais gagner ma vie comme ça, assez bien, puis je serais capable de vivre une vie qui a de l'allure, puis tout. Mais en même temps, il manquerait quelque chose, puis j'aimerais ça. Puis là, il n'y a pas vraiment de job, ça n'engage pas vraiment d'un job plus qualifié. Puis mettons, on va dire même que tu es étudiant en génie, par exemple, qui est quand même de quoi de très appliqué, là, on s'entend. Là. C'est pas ce qu'on appelle des fois des sciences molles, comme, mettons, de la philosophie. Puis tu te dis, moi, j'aimerais ça être ingénieur, mais dans mon pays d'origine, il n'y en a pas d'ingénierie, il n'y en a pas de firme de génie, ça... Mais j'aime ça, puis j'aimerais ça, tu sais, je veux dire, pour avoir une vie satisfaisante, moi, j'aimerais ça travailler là-dedans. Fait que là, tu te dis, je pourrais émigrer au Canada. Le climat est pas bien, bien pire qu'elle note. Non, puis, mettons que tu viens d'Estonie, on va dire ça de même. puis, eux autres, ben, ils en ont des firmes de génie, ils ont quand même, tu sais, ils ont de l'aéronautique, ils ont, tu sais, on parlait de Bombardier il y a pas longtemps. Ouais. Fait que, ben, je pourrais avoir le goût d'émigrer là. Mais là, cette année-là, on décide que il y a pas de... mettons, le génie, il y a quand même pas trop de jobs là-dedans. Puis c'est plus, mettons, des électriciens, mettons, qu'on veut avoir. Ben là, toi, ton CV, même s'il est super intéressant, puis en plus, t'es étudiant en France, fait que tu parles français. Ben là, toi, ton CV, mettons... drôle de lapsus, d'ailleurs. Ben, ça ressemble à ça. Ça ressemble à une entrevue d'emploi. C'est ça. Oh, ouais. Ouais, ton dossier, se faire pousser en arrière de la file, même si, à la base, tu t'en serais trouvé une job pareil, t'es super motivé, puis c'était ta mission de vie, alors que quelqu'un qui est un électricien très, très tiède par rapport au fait qu'il est électricien, puis que c'est... Ben, lui, il va être pris plus tôt que toi, par exemple. Ça, c'est le genre d'inégalité, c'est le genre de problème que ça peut créer. Est-ce que c'est une mauvaise... C'est sûr que ça dépend toujours de comment que c'est fait. Au Canada, on a quand même des pas si pires quotas d'immigration. Moi, c'est sûr que, comme je disais en début de chronique, j'ai de la misère avec la notion de quota d'immigration. Ben oui. Dans la vie. C'est sûr que, de plus en plus... Puis il y a des arguments contre aussi, c'est sûr. Hein. Mais c'est sûr que de plus en plus... Puis ça reste qu'on a quand même une tendance marquée dans le monde d'aller de plus en plus vers ça. Comme je dis, la zone euro, là, l'Europe, là, qui font partie du Parlement européen, là, l'Union européenne, dans le fond, là, c'est ça le mot cherché. Entre eux autres, ils ont comme une espèce d'ouverture de ça, de mettons un Français peut immigrer en Allemagne hyper facilement, c'est presque juste comme changer de province, là, à la limite. Là. Par rapport à l'Allemagne, à l'Italie, ou peu importe. Là. Donc, c'est ça, ils ont déjà des accords de ça, puis bon, c'est une tendance là, qu'on s'en va de plus en plus vers ça. C'est juste que ça peut prendre du temps. Là, c'est sûr qu'il y en a qui accrochent parce qu'on se dit « Ouais, mais nous autres, nos intérêts... » Bon, il y a des arguments contre ça aussi, évidemment. C'est que ben si tu veux te déplacer, ben tu peux le faire toi aussi. T'sais. Si, mettons que tu voudrais plus aller vivre en Europe, tu pourrais éventuellement avec ça. C'est sûr que, bon, d'un point de vue, puis là, moi, c'est vraiment plus un argument d'un point de vue moral. C'est-à-dire que d'un point de vue moral, on n'a pas de base... par rapport aux valeurs politiques de nos sociétés, y compris notre société québécoise. Les valeurs politiques du Québec, me semble, tu sais, on a des gros débats là-dessus, mais il y a quand même des valeurs assez générales de droits humains, tu sais, le droit de se déplacer, ça en est un, entre autres, le droit d'avoir une vie, de mener notre vie comme bon nous semble, tu sais, que ça, évidemment à l'intérieur d'un certain cadre, mais pour restreindre cette capacité-là de faire ce qu'on veut, entre guillemets, il faut quand même des arguments. Puis le fait d'émigrer dans un autre pays, ben en soi, il n'y a pas tant d'arguments contre ça. T'sais, c'est des arguments qui vont devenir très, très terre-à-terre, puis c'est des choses qui ne sont pas impossibles à régler non plus. Puis là, je vais très, très large. Là, je veux dire, moi, c'est un de mes chapitres. C'est un chapitre de mon mémoire, là, ce que je suis en train de dire, là, mais je le résume énormément. C'est ça. Pour conclure, la nouvelle politique, à part cette petite affaire-là que j'ai expliquée pendant un certain temps, ouais, qui peut accrocher dans le sens que de trop calquer ça sur ce que les entreprises veulent, c'est ce qu'on semble nous dire. Puis ça, le PLQ de ce mandat-ci est très très fort là-dessus. T'sais, on nous a dit la même affaire pour la formation collégiale et universitaire. Tasser les affaires là, plus de qui sont en lien avec le développer l'esprit critique, par exemple, ou les compétences transversales. Non, on veut vraiment que les gens... quand je pense à la compétence transversale, c'est entre autres le français. Non, on veut que les gens aillent une... en anglais, ils appellent ça un trade, là, une job, t'as un job clair en sortant de là, puis tu fais ce job-là avec ce que t'as, parce que les entreprises, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que sur ton CV, c'est écrit que tes études, c'est le poste qu'ils veulent t'engager pour, puis bon... Ça, on a peut-être un petit changement de culture à faire parce que peut-être qu'avant, on était peut-être un petit peu moins pogné là-dessus. Puis parce que, comme j'ai dit, de toute façon, les besoins des entreprises, ils changent. Fait que c'est pas un avantage non plus de se conformer trop à ça, évidemment. Puis là, ça pourrait être très, très éditorial et je pourrais faire un autre 40 minutes. Puis Fred est déjà arrivé. Fait que je vais me calmer là-dessus. Mais tout ça pour dire que j'aime ça être d'accord avec les libéraux pour une fois. Ça fait changement. Ça fait changement, ouais. c'est surtout nos libéraux provinciaux. Là, je suis fait de la misère avec dans ce temps-ci. Puis c'est ça. En gros, ce qu'on améliorerait, c'est plus facile pour les gens de devenir résidents permanents, donc éventuellement de devenir citoyens. Y compris les étudiants internationaux et les travailleurs temporaires, qui sont souvent les grands oubliés de ça. Comme j'ai dit, on change aussi l'ordre dans lequel on traite les dossiers. Il y avait une autre affaire qu'ils avaient mis, puis là, ça me revient pas, qui ont changé. Ah, la reconnaissance des diplômes. Gros morceau aussi, ça, c'est un gros problème qu'on a au Québec. Il y avait un exemple, justement, qui circulait sur les réseaux sociaux, là, je pense que c'est le HuffPost qui ont trouvé ça. C'est des réfugiés syriens, en fait. D'ailleurs, la photo où j'ai failli, juste à cause de la photo, je voulais le poster sur Facebook parce que on est très loin de l'image des méchants islamistes qui font peur puis tout. Là, je veux dire, si on te le dit pas que c'est des immigrants, des réfugiés syriens, tu penserais pas que c'est des réfugiés syriens. Ouais, Il y a sûrement des commentaires genre ouais, en tout cas, ils ont l'air d'avoir de l'argent pour des. Ben, quasiment, mais c'est ça. C'est qu'en Syrie, c'était des. Eux autres, c'était un couple de médecins, ils sont relativement âgés. Là, ils ont l'air au moins ils ont l'air fin quarantaine, début cinquantaine. Mm-hmm. Puis son médecin spécialiste, je pense, en Syrie. Il voudrait continuer de pratiquer ici, évidemment, tu sais, ne serait-ce que pour garder leur niveau de vie, mais tu sais, de toute façon, ils disent, tant qu'est-ce qu'on soit accepté comme réfugié ici, autant qu'Aline, tu sais, je veux dire, je contribuerais bien plus à la société en pratiquant la médecine qu'en étant chauffeur de taxi, par exemple, le cliché, là. Mm-hmm. Ça, la reconnaissance des diplômes, on nous a promis que ça serait amélioré, et aussi la francisation, c'est-à-dire les cours que le gouvernement, d'ailleurs, la contrepartie, parce que ça marche tout le temps comme ça, toute chose a un coût, donc une contrepartie en fait. Si on exige des gens qui parlent le français, ce qui est très très justifié, ben vient avec, ou tu sais, qui se débrouillent en français, mais vient avec ça l'exigence d'accommoder les gens qui ne le parlent pas, c'est-à-dire de les aider à l'apprendre. Ouais. Donc, à leur fournir des cours de francisation. Ça donne de la job en plus aux gens qui étudient en langue moderne, fait qu'on aime ça. C'était semi une joke d'ailleurs, j'aurais aimé que vous riez. Ah, excuse-moi. Mais non. Fait que ça aussi, on a dit qu'on mettrait plus de ressources là-dedans. Qu'est-ce que plus de ressources? C'est là qu'on va voir. Puis comme je le dis une fois de temps à autre, dans ces choses-là, c'est une chose d'argumenter sur le principe, mais le yab est d'un détail. Ah, voilà. Puis on verra comment est-ce que ça va être appliqué. C'est un plan qui est bon pour 5 ans. Fait qu'on va voir dans 5 ans. C'est déjà long, là, mais on va voir quoi ça donne. Mm-hmm. Des sujets de société comme ça, on a chaque semaine avec Sébastien Viertin. Et pour compléter sur ce que j'ai dit tantôt, les immigrants syriens de religion chrétienne, c'était en effet Ted Cruz, mais la phrase que j'ai utilisée était une citation de Jeb Bush. Donc c'est Jeb Bush, Ted Cruz qui sont pour les réfugiés syriens s'ils sont catholiques chrétiens. Voilà. Ça d'ailleurs, avant de conclure, c'est très très drôle parce que les présentement, l'espèce de stress que ces gens-là ont, surtout la droite chrétienne évidemment, ont avec les musulmans, cet argument-là, l'argument vraiment là, religion, là. Tu sais, pas rien que de dire, ah, c'est parce que, tu sais, mettons au Québec, quand on va utiliser cet argument-là, puis on exclut vraiment beaucoup la personne qui parle parce que j'y crois pas, anyway. Tu sais, on va pas dire, c'est en soi le fait qu'ils sont musulmans, c'est ce qui vient avec, mettons, qui est le problème. Tu sais, c'est que, bon, on prétend que être musulman, on est nécessairement pas pour l'égalité homme-femme, ce qui est complètement faux, mais bon, il y a des gens qui sont vraiment convaincus de ça. Puis bon, tu sais, mais c'est ça qui accroche, c'est pas en soi le fait qu'ils sont d'une autre foi. Aux États-Unis, c'est autre chose. La religion est beaucoup plus présente en politique, d'ailleurs. C'est une des choses qui est très drôle, c'est qu'avant ces arguments-là, au début du 20e siècle, il y a eu une grosse exode irlandaise, particulièrement les Irlandais catholiques, qui on s'entend sont chrétiens, mais c'est une catégorie de chrétiens. Puis là, n'oublions pas qu'au Québec, on est majoritaire avant, dans le temps que tout le monde était pratiquant et croyant, et ainsi de suite. Québec, c'était très majoritairement catholique, mais pas mal tout le reste de l'Amérique du Nord, les Canadiens anglais, puis les Américains, c'est surtout des protestants. Puis, il y a eu au début du 20e siècle, fin du 19e, début du 20e siècle, l'exode des Irlandais qui partaient, parce qu'il y a deux Irlandes, mais l'Irlande catholique, justement, qui voulait venir en Amérique. Puis les arguments qui ont été énoncés, puis dans ce temps-là, c'était y compris au Canada anglais, c'était les Irlandais, c'est des catholiques. Les catholiques peuvent pas respecter nos belles valeurs protestantes d'ouverture d'esprit et de poursuite là, parce que le protestantisme, c'est une religion qui est une catégorie de catholiques, mettons, qui est beaucoup plus ouvert, mettons, sur l'interprétation de la Bible, sur l'interprétation personnelle, sur le fait de ben non, tu sais, c'est correct si tu veux faire de l'argent, parce que tu sais, c'est correct que tu veuilles te construire en tant que personne, puis tout, pis ça inclut le fait de faire de l'argent, puis tout, puis bon, tu sais, le American Dream, c'est quelque chose de très très protestant, en fait, tu sais, le fait de si tu veux, tu peux, tu sais. Genre, mettons, d'un peu religieux, il dirait Dieu t'a créé avec ces capacités-là puis ce potentiel-là, fait qu'il faut que tu le développes. Ouais. Ce que les catholiques sont peut-être pas tellement portés à dire, c'est plutôt écoute le prêtre, en gros. Puis bon, eux autres, ils disaient ah, ben, des catholiques, t'es pris dans la hiérarchie du catholicisme puis dans tout ça. Puis aussi, tu prêtes allégeance un peu au pape en tant que tel. Bon, là, tout ça, tout ce bout-là d'histoire de religion pour dire qu'ils ont sorti à peu près les mêmes arguments contre les catholiques à l'époque. Mm. Là, ils sont rendus intégrés, puis tout, puis on le sait pas, ça s'est pas tant rendu ici, mais aux États-Unis, il y a eu quand même une genre de ségrégation subtile des catholiques par rapport aux protestants, puis ça, ça a duré jusque dans les années 60, quand ils ont eu le premier président américain catholique, qui en plus a été un des plus populaires de l'histoire, John F. Kennedy. Ouais. C'était le premier. Kennedy, c'est un nom originaire de l'Irlande à la base, là. C'est un arrière-petit-fils de réfugiés ouais. irlandais. Puis c'est ça. Fait que tous les arguments qu'on sort, puis par le passé, ils ont été sortis aussi pour les Asiatiques, pour les gens qui venaient des pays de l'Est aussi, de l'Europe de l'Est, puis ainsi de suite. Ça a tout le temps été ça. Ah, ils diluent nos valeurs, puis tout ça. Puis finalement, c'est-à-dire que c'est des valeurs qui sont quand même assez larges et universelles. Mm. Fait que n'importe qui peut s'y retrouver, puis jusqu'à un certain point, s'ils ont l'intention de se rendre là, ben probablement qu'ils partagent un peu ces valeurs-là, eux aussi, de toute façon. Ouais. Ah! Hey, moi, là, je trouve ça dommage que dans son émission, il soit retenu à 10 minutes dans son émission La sortie de secours à votre gauche. Comment il fait? Jeudi 13h. Il fait pas faire ça. Jeudi 13h, on t'écoute La sortie de secours à votre gauche. Jeudi 13h, on rappelle les samedis matins à 9h. Sébastien Vigartin, on te retrouve la semaine prochaine à l'Assemblage requis les mercredis à 8h. Ok, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Au retour de la pause, ce sera enfin le tour de Frédéric Bernard et Google Globe. Oh. Parlant de tour, la planète tourne, le web. Oh. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à l'Assemblage Requiem ce mercredi 9 mars 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui. On a encore pas mal de choses dans l'émission d'aujourd'hui. D'après moi, on risque de défoncer pas mal. Oui, c'est vrai. Donc, avant de passer à notre invité spécial en fin d'émission, on a un invité qui n'est pas tellement spécial, mais qui est spécial dans son genre. C'est unique en son genre. Et quand oui. Même... Hey. Et ça a pris une drôle de tournure, ça. En effet. Unique en son genre. Oui, voici Frédéric Bernard et Google Globe. Bernard, Google Globe. Ça va, Frédéric? Oui, je suis en train de découvrir les écouteurs. Ah, wow! Les écouteurs qui te font entendre ce que l'émission a l'air en onde. Oui, c'est ça, parce que là, il y a des écouteurs qui traînent devant moi, qui sont branchés, et je n'apporte pas d'écouteurs, ce que je devrais faire. C'est déconcentrant pour toi? Oui, c'est mais en fait, ça me donne mal à la tête. Ah, moi aussi, ça me sent les tempes, mais bon, ouais. C'est un pas choix. c'est, ouais, c'est de mon côté, j'ai pas le choix. Tania, je pense, n'a pas vraiment le choix non plus. Les chroniqueurs, ouais, ça va. Ben, Tania, ça lui fait bien. Ah, merci, ben, c'est choisi. Elle a sûrement magasiné, c'est juste un devant miroir. On en discutera après. Donc, ta question aujourd'hui que tu vas poser à Internet, évidemment, pour essayer d'avoir, oui, une réponse. Alors, Internet, alors dans Google, encore une fois, je pose une question, alors qu'on découvre un peu. J'ai eu des drôles de réponses. Je pense que c'est une des questions pour laquelle j'ai eu des réponses les plus variées. Ah. J'ai fait une grosse sélection. Parce que c'était pas tout intéressant. Mais même si c'était varié, là, vous allez voir que, bon, OK, il y en a deux, trois qui sont comme passés dans les mailles du filet. Donc, j'ai eu une dure fin de semaine. Oui, je suis quelqu'un comme ça, moi, en général. Là. OK, OK. J'ai eu un dur début de semaine, tout. Oh. Alors, des fois, quand on a des durs comme ça, on est moins patient, ouais, tout. C'est vrai. Alors, on se pose des questions relatives à la vie sur le fait qu'on est moins patient, tout. Donc, j'ai posé la question à Google de « Non, mais qui s'occupe des imbéciles? » Ah! Question, ouais, existentielle, quoi. Oui, oui. Ben donc, quand je dis des questions sur la vie, en général, c'est vraiment une question de vie. Qui s'en, ben, occupe? Oui. Parce qu'il faut bien s'en occuper, ben, à un moment donné. À un moment sinon, donné. Tu vas en péter la gueule. Avec ton impatience. Ouais, non, moi je suis un passif, plutôt. Non, je suis dans... Un passif dans le sens de... Ah, je suis quelqu'un tu qui est rien. Plutôt... Non, tu non, je suis... passer les choses. Non, non, je suis plutôt... je suis pacifique. Okay, oui, okay. Oui, je suis plutôt pacifique. Oui. Pacifique, passif. Ouais, face, okay, face à ça. Non, je vais très dans le sarcasme. Les personnes se sentent visées, mais souvent, vu que c'est des imbéciles, mais ils se le sentent pas. Et ils le voient pas. Ils le voient pas. Fait que je leur écris des lettres, puis je les harcèle. Wow. Hein? Eh ben... Et ouais. Donc, alors, qui s'occupe des imbéciles? Vous, les imbéciles dans la vie en général? Il y en a beaucoup. Oui, il y en a pas. Il y en a pas. Ouais, toi, Mathieu, t'as l'air super gros à accepter tout le monde. Ben, là, c'est que si tu les traites comme des imbéciles, n'est-ce pas, dans le fond, toi, l'imbécile? Je dis n'importe quoi. Je sais pas. Ah bon, mais je veux changer ma question. Ouais, non, non, mais j'essaie de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, sauf qu'en effet, ouais, il y en a qui c'est sont... Parfois, c'est difficile. Ouais, on peut seul l'avouer. Ouais. Bon, merci. Bon, ça veut dire que Trump, pour toi, c'est quelqu'un qui est socialement pas accepté. Il y a du bon quelque part chez Donald Trump. Il y a du bon quelque part chez Donald Trump. Sa fille est cute. C'est juste ça, hein? Oui, on ne rappellera pas ce qu'il a dit là-dessus. Ouais, ouais. Oh, juste. Donc, alors, dans les premiers liens, alors, 1 à 5, alors, j'ai trouvé un lien qui parle des cons. Alors, c'est comme une branche à des part. Cons, là. Ouais, des imbéciles. Ouais, c'est ça. Oui. C'est comme la même famille. C'est comme. Ils tiennent ensemble. Oui, c'est le cousin. C'est le cousin. Donc, alors, c'est une. On explique la typologie des cons. Alors, je trouvais ça plutôt jouissif. C'est écrit vraiment comme un petit... pas un petit recueil, mais vraiment comme une analyse fine de la chose. Il y a des différentes catégories. Oui, il y a des familles de cons. Il y a le C-O-C-E-P-U, alors qui est le con en puissance, oui, si exactement. Je me rappelle bien. C'est les cons certifiés puissants. Ouais. C'est ça. Et un petit peu plus loin, il y a le COCEPE qui est le con certifié pervers. Ah, wow. Lui, il faut faire attention de ce que j'ai lu. Donc, c'est la typologie des cons. Il y a une deuxième page aussi dessus qui est un peu cachée dans le bas. Ouais. Alors, on parle justement de ça ici. On nous décrit ça et en fait, ça vient d'un livre. On voit à la fin que je me rappelle plus du titre. Alors, ça vient d'un livre, ça. C'est des extraits d'un livre. Et si je nous explique les cons. Les cons. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, on nous explique justement que le con certifié puissance, ben, c'est le con qui est... je vais relire en diagonale. Pour me rappeler, parce que là, j'ai mélange. Tu sais, il y en a quatre. Ben oui. Ben oui. Il y a des noms similaires, en plus. On les mélange, là, soudain. Alors, celui qui est en puissance, oui, c'est celui qui a un pouvoir qui est soit réel, qui a vraiment un réel pouvoir sur nous. J'en dirai pas plus. Qui a un réel pouvoir sur nous, que ce soit au terme législatif, quelqu'un qui représente boss, la loi, un boss, une personne mieux située que toi, un parent. Ouais. Alors, quelqu'un qui a vraiment une puissance et quelqu'un qui croit qu'il a vraiment une puissance sur toi. Donc, ils font un peu la différence là-dessus. Donc, ça, c'est pour la puissance. Le pervers, c'est celui qui, au début, tu le trouves super sympathique, puis à la longue, tu te rends compte qu'il peut te faire des jambettes. Là, un petit peu plus loin, sur la deuxième page, il y a... Les cons ponctuels inconnus. C'est ça. Les cons points. Ouais, c'est ça. Les cons ponctuels inconnus et les cons ponctuels connus. Les copocons. Oui, les copocons. Les copocons. Ah, c'est vrai, ça se dit bien. Ben oui. C'est beau. C'est beau. En fait, alors, c'est ça, il y a tout un comment qu'on appelle ça quand on prend juste les lettres? Un acronyme. Il y a juste un acronyme pour chaque famille de cons, une petite description pour chaque. Et ça, c'est dans le but de présenter un livre qui s'appelle « Et si je supportais mieux les cons? » Ouais, voilà. Oui. Le lien sur assemblagehockey.com. Déjà, pour ceux qui veulent suivre avec nous, le lien est déjà placé sur la page de l'émission d'aujourd'hui, le mercredi 9 mars. Aimes-tu les livres, Mathieu? J'en lis pas assez, non. J'en achète, ça veut pas dire que j'ai lu. Ça le mérite d'être très clair. Pas mal ça, ouais. J'ai décidé de m'en remettre à lire, moi, prochainement. Peut-être que ça va être un livre que je vais lire. Connaissez-vous La Conjuration des imbéciles? Il faudrait trouver le titre en anglais. Je sais pas si tu serais capable, parce que moi, je suis sur mon cellulaire. J'ai une difficulté à... T'as des difficultés à bien des affaires. Des difficultés à bien des affaires, en général. Ah, je l'ai eu! Donc, dans le fond, c'est un livre américain. Alors, La Conjuration des imbéciles, un livre que là, c'est un lien sur Amazon. Alors, pour le livre format de poche, qui est écrit par John Kennedy Toole. Connaissez-vous? Non? Non, mais la famille de Kennedy, c'était des Irlandais à la base, qu'on a appris avec Sébastien. A confederacy of dunces. Oh, voilà. Ah, voilà. C'était ce bout de la langue. Ben oui. Donc, en fait, ce livre-là, qui a été écrit par John Kennedy Toole, est un livre qui a été publié dans les années 80, qu'a écrit avant sa mort et qui n'a pas été publié de son vivant. Et c'est un livre qui se voulait un peu pour avoir... C'est une histoire vraiment, mais qui se veut une critique un peu de la société américaine à l'époque, qui se veut un peu en dérisoire de la société américaine, de prendre que le personnage principal est un génie, mais que tous les autres personnages qui naviguent autour, qui sont autour de lui, vont essayer de le rabaisser et de l'insulter, de le traiter comme un imbécile, parce que c'est un génie. Alors, c'est un livre qui, ma foi, m'a l'air intéressant. On me dit que c'est de l'humour noir. Un peu partout, pour avoir fait une recherche, on dit que c'est assez drôle. Ce qui est un peu triste, c'est que l'auteur s'est suicidé avant le livre. Ah, fait que c'est, mon Dieu, ouais, parce que son livre n'était pas publié. Fait que c'est pour ça qu'il s'est suicidé? Ben, on dit que ce livre-là, il a essayé de le publier, de le publier, il n'a jamais été publié. Sans doute que c'est pas que ça qui a fait ça. Mais bref, il y a eu ça. Il y a eu le suicide de l'auteur. Le livre a été publié par la suite à cause de sa mère. Alors, sa mère qui a poussé pour faire publier son livre et il a gagné le prix Pulitzer pour ce livre-là après. Posthume. T'sais, la fatalité des choses. Voilà. C'est comme... Mais on dit que c'est très drôle. Oui! Oui, c'est ça! Malgré le fait que. Oui, c'est drôle aussi, c'est qu'il est en français puis que les termes français sur Amazon sont drôles comme poche ou relié à place de couverture rigide, de couverture souple. Puis t'as aussi d'occasion à place d'usage. C'est une relié. Moi, je trouve ça drôle. Relié au lieu de couverture rigide. Oui. Voilà. Oui. Voilà. C'est bien joli. Je sais pas. Connais-tu. Tania! Oui. Connais-tu Uranium Man? Qui? Uranium Man! Uranium Man. Attends, là, ça doit être un super héros, celle-là, là. Non. Tu connais Uranium? Mais là, je me suis dit Uranium Man, ça sonne comme, je sais pas, moi, Capitaine America ou quelque chose. Mais en fait, c'est le surnom que j'ai donné pour le prochain lien. Ah. Alors, alors, c'est un homme. Le lien que je vous ai mis, c'est le lien d'un site plutôt mal fait. ouais, vraiment. En effet, oui. Il est pas super beau. Ça s'appelle Curious. Point... Ah, c'est mauve. C'est mauve. C'est mauve bleu. Ouais, mais un genre de mauve pâle. Ouais, puis les liens sur le côté, il y en a beaucoup. Ouais. Ouais. Ça finit plus? Je viens de voir qu'il y avait un accueil. Donc, le lien que je vous ai mis, je trouvais ça plutôt intéressant. J'ai failli ne pas le mettre justement parce que le site est pas super beau. Donc, il ne faut pas... C'est superficiel, mon Dieu. C'est ça, oui. Il faut pas se fier aux apparences. Fait que j'ai lu comme je lis chaque site avec mes yeux rouges. Donc, malgré la fatigue, alors d'essayer de lire ça et de trouver l'histoire plutôt très intéressante. J'ai confirmé l'histoire par la suite. J'ai retenu ma leçon. Donc, j'ai oui, pris... Oui, parce que t'as dit des faussetés. Non, jamais. Non. En tout cas... Donc, j'ai l'homme que vous voyez, toi et Tania, sur la photo et les futurs auditeurs. Mm-hmm. C'est un homme japonais qui se tient dans une zone bouclée de Fukushima. Okay. Alors, Fukushima, il faut savoir qu'en mars 2011, c'est bien 2011? Oui. En mars 2011, Fukushima a explosé à cause d'un tsunami. Et bon, des radiations partout, il y a un périmètre qui a été fait, tout le monde a été évacué. Tout le monde, sauf... Uranium Man! Oui, mais... Radioactive Man! Oui, en tout cas, il a été évacué avant, sauf les animaux. Oui, il a oublié ses chats! Ouais, c'est ça. T'as lu l'article, là? Exactement. T'es coquine. Allez vite. Je lis très vite. Donc, il a oublié ses chats. Il a voulu revenir pour ses chats dans la zone qui était interdite. Quand il est arrivé, il s'est rendu compte que tous les animaux de la zone vivaient plutôt bien, okay. Qu'il n'y avait pas trop de problèmes avec ces, que les animaux, bon, ben, c'est sûr qu'il y a des animaux plus sauvages qui vivaient très, très bien, qui n'avaient pas de signes de malformation, qu'il n'y avait pas d'animaux qui semblaient plus malades que d'autres. Les chats allaient super bien. Il y avait même eu une portée de chatons qui était très en forme. Ah. Il a décidé de rester dans la zone interdite pour s'occuper des animaux. Alors, il s'occupe des vaches, il s'occupe des, okay. des sangliers, des petits chats. Pis c'est cute, hein? Ouais. C'est comme marqué qu'il est la seule personne vivante dans la zone. Il mange pas de produits locaux et il fait juste boire de l'eau potable. Mais il n'y a pas de produits locaux, il n'y a pas personne pour les produire. Ouais, ouais, mais tu sais, allô, là, comment vous avez fait l'entrevue? Vous avez été le voir, puis vous l'avez laissé là. Non, non, mais, non, mais ils doivent dire que c'est la seule personne qui vit là à longueur de temps. Ouais, tu peux non, mais y aller c'est lui, c'est son choix de ne pas revenir. Son choix. Oui, oui, oui, je sais, mais tu sais, là, le film, là, seul au monde. Ouais. Lui, il est comme tout seul dans sa zone d'exclusion. C'est ça. Regarde les photos, là, il y a plein de débris autour, là. C'est comme... Oui. Mais seul au monde, il a choisi. Il a pas choisi ça, tu sais, seul au monde. C'est, je c'est sais. Ça, un peu ça, la tragédie. Mais c'est, de, c'est. La tragédie. La grosse pub FedEx qui. Comment il mange pas, ça veut dire? Ou il se nourrit des ben, animaux? Ben, il doit importer les choses, là. Ah, regarde une photo, il dort avec un chat. Il commande à tous les jours. Il se fait livrer de la pizza à tous les jours. Il se fait livrer de la pizza à tous les jours. Le gars, il arrive à la limite de la zone d'exclusion, puis il l'appelle. T'es livreur de pizza, t'en reçois un appel. Ouais, excuse-moi, à côté de Fukushima. Hey. Suis les animaux. J'espère que t'as un bon pourboire. Suis les animaux, c'est ça. Wow. Bref. C'est comme le nouveau Noé. Oui. Oui, oui, c'est vrai. C'est ouais. On pourrait... Oui, donc, vraiment, non... Il devrait avoir un film, c'est tout ce que je suis en train mais de ça, dire. Mais ça, ce, oui, on appellerait ça... Non, comment t'as... Uranium Man. Uranium Man. Uranium Man. Aimais-tu les enseigner à Tania? Wow, t'as des questions vagues dans la vie. Aimais-tu les enseigner? Non, mais j'essaie de vous inclure. C'est comme si tu as un critère de sélection, Tania. Non, lui, il travaille en vétérinaria. Je vais dire que j'avais pas de problème avec mes enseignants. Okay. Mais mes enseignants connaissaient ma famille bien souvent. OK. Parce que mon père avait été commissaire de commission scolaire. Donc, de ce côté-là, j'avais comme besoin d'être correct avec mes enseignants. Ah, ouais. Okay. Ah, mais peut-être qu'en fait, ça aurait pu être une botte secrète, dans le fond, de vu qu'ils connaissent tes parents. Parfois. C'est... Bon, hein? Je le savais. C'est ça. Elle avait une face à ça. Ouais. Non, mais pour vrai, là, j'aimais l'école quand j'étais exemple au primaire. Puis tout ça, là, on parle primaire, pas secondaire. Oui, de ce que j'ai lu de ce petit article-là, OK, parce que secondaire, j'avais plus de difficultés avec mes enseignants. Oh. Moi, j'étais le con. Non, moi, je... Non, son... Oh. J'aimais mes enseignants au primaire. J'étais un peu têteux, je En fait, le site que je vous donne, c'est le site de La Presse, ouais. Qui fait un très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très court article. Ben oui, mais mon Dieu, oui. C'est tout petit. Il y a plus de commentaires que d'articles, pas mal. Oui, les commentaires sont très drôles. Donc, en fait, c'est un article qui fait simplement... De blog, en passant. Oui, d'un blog, qui fait simplement remarquer que l'enseignant va passer beaucoup plus de temps avec l'enfant que... Ben, va passer, oui, plus de temps avec l'enfant que les parents, quasiment au stade de sa vie, ouais. Alors par année. Alors, l'enseignant est comme un troisième parent. Alors, ça fait simplement remarquer ça. Donc, d'expliquer que des fois, il peut avoir des conflits entre les parents et l'enseignant et que là, il faut faire attention en ce qu'on dit contre l'enseignant parce que c'est comme parler contre notre parent et l'enseignant et vice-versa. Donc, ça fait juste parler de ça. En même temps, je l'ai mis parce que je trouvais le forum très drôle. Ah! Ça se pogne! C'est fou, hein? C'est un sujet tabou, je le savais, en cliquant là-dessus. Ben, c'est comme les rencontres de parents. Oui, hein, oui. Est-ce que vos parents allaient aux rencontres de parents, vous? Moi, oui. Mon père, non. Je pense qu'il n'est même pas ça si je suis allé au primaire, mon père. Moi, mes parents, ils allaient pas souvent, honnêtement, puis ça a comme rien changé. Ah ouais. Ben, ma mère était impliquée. Tu sais, puis chaque fois qu'il allait, il revenait, puis il me disait, Tania, tes professeurs m'ont dit que tu parlais. Là, je disais, ouais. Ben. On me reprochait de parler en classe. Fait que... Si tu parlais pas, il aurait dit, elle prend pas cette place, puis elle parle pas. C'est ça, exactement. Mais c'est correct qu'aujourd'hui, regarde ce que je fais comme travail. J'aime le commentaire en dessous du blog, comme tu disais. L'école ne travaille pas pour vous, madame. Elle n'a pas à le faire non plus. Vous semblez traiter les enseignants comme des serviteurs. Oui, parce que là, tu fais référence à une fille qui, je suis plutôt pas d'accord avec la précédente fille, qui explique en gros, que l'école est à son service, qu'elle veut pas que son enfant se retrouve parmi 300 autres comme un piquet, que l'enseignant l'oublie. Bref, ça fait un peu le portrait d'un enfant qui, effectivement, d'un parent qui voudrait que son enfant soit une perle, qu'on ne s'occupe que de lui. Et c'est un peu dommage, c'est un peu triste comme vision de la chose, sans prendre en considération ce que des fameux villages font, parce que oui, il existe dans le monde des villages qui font ça, que l'enfant, quand il naît, bien, c'est le village au complet qui s'en occupe, qu'il n'y a pas de notion de parent dans ces villages-là. Et c'est une belle philosophie, je trouve, ça, entre autres, parenthèse, sur des connaissances personnelles. Ensuite, toujours dans la question « Qui s'occupe des imbéciles? » Tu vas vite, tabarnouche. J'ai jamais le temps de prendre, le temps de boire café oui, avec toi. Fumer une top. Mais oui, c'est ça. Moi, j'aurais pris une pause. Là. Je vous ai mis une vidéo d'auto. Ah, OK. Pour vous montrer c'est quoi un imbécile. Hey, non, mais là, sérieux, y a-tu pas de... Mais je l'avais déjà vu, moi. Je sais pas si vous l'aviez déjà vu passer. Non. Ça, c'est en Afrique du Sud, si je me rappelle bien. On est sur l'autoroute en ce moment. Oui, sur l'autoroute. Ouais. Et il y a une auto, il faut croire qu'ils sont chicanés, qu'ils étaient pas contents. Puis il y a un camion qui décide d'être coquin. Non, comme ça. Oui, de taquiner. Fait qu'il taquine l'autre petite voiture à côté. Alors, d'un petit coup sec du volant. Okay. Ah oui, il fait... Puis il se ramasse dans le char. À la Mario Kart. Et puis là, c'est le méchant qui a frappé l'autre. Qui a essayé de frapper l'autre. Oui, c'est ça. C'est la preuve que dans la vie... Karma is a bitch. Oui. Karma is a bitch. Que, autant dans les couloirs qu'en auto, ne faites pas des petits coups de volant. Non. Oui. Tu faisais pas ça quand t'étais plus jeune? Donner un coup d'épaule dans le cordon. Non, j'avais pas le droit de conduire. Boum! Ah, OK. Non. Non. Ça, j'étais plutôt dans la lune. J'avais pas le temps. Ah. C'est lui qui se faisait faire. Oui, c'était moi qui se faisait faire, mais en fait, le monde m'oubliait. Fait que je recevais des coups d'épaule puis tout. Oui, j'ai eu une enfance... Non, j'ai eu une enfance plutôt heureuse. J'ai vu le prochain lien que tu m'as posté parce que j'adore cette fille-là. Elle est super geek, elle est super... Jeanne Raymond. Jade Raymond, exactement. Oui, super cool. Je l'ai prononcé très français. Mais en fait, je pense qu'en tant que tel, je crois qu'à la base, elle parlait français, mais je suis pas sûr. Oui. Mais travaille à Toronto maintenant. Mais ça sonne très Jade Raymond. Ouais, c'est ça. Sans doute que tu vas pouvoir plus parler de la fille que moi. Je ne la connaissais pas vraiment avant de tomber sur ce lien-là. Je dois dire que, bon, je connais un peu quand même le monde du jeu vidéo. Je sais un peu qu'est-ce qui sort. Une PS4, j'ai un PC, en tout cas. Fait que je connais un peu ça. Donc, il y avait une chose que j'avais à lui reprocher, mais oui, avant, vas-y, fais son éloge. Ouais, non, c'est ça. L'article parle du fait qu'elle était patronne d'Ubisoft Toronto. Oui. Ça a changé depuis. Je crois qu'elle... Je crois pas qu'elle était avec cette compagnie-là en ce moment, mais ça dit qu'elle est productrice canadienne de jeux vidéo. Moi, je la connais pour l'émission Direct to Playground qui jouait à la télé dans le temps. OK. C'est une Montréalaise. Sur quelle chaîne? C'est sur G4 aussi. OK. Donc, diplômée de l'Université McGill en informatique. Présentement, en juillet 2015, elle s'est associée à Electronic Arts pour la création de Motive Studios, société basée à Montréal, située près des locaux de BioWare, dont une collaboration sur Mass Effect Andromeda est annoncée. Donc, elle a dirigé Ubisoft Toronto de 2009 à 2014. Voilà. Elle a quitté l'entreprise et elle a été remplacée par Alexandre Parizeau. Elle a quitté Ubisoft? Oui. Ah, bon, ben c'est correct. Je pardonne d'abord. C'est cool, en hein? fait, c'est qu'elle a fait une déclaration sur Gameblog, justement. Où, non, c'est pas sur Gameblog qu'elle a fait la déclaration. Mais c'est The Grid. Ouais, c'est ça. Alors, elle fait une déclaration, justement, où elle trouve qu'elle est tannée des jeux qui prennent les joueurs pour des imbéciles. Ouais. Alors, les jeux qui vont faciliter au niveau visuel, la façon qu'elle a dit, au niveau visuel, qui vont attirer visuellement, qui vont les gens ou sur le sujet, on va utiliser un sujet très gore, mais très mal exploité. En gros, c'est ce qu'elle disait. Sauf que ce que je trouvais ironique là-dedans, c'est que c'est une des principales collaboratrices pour les jeux Assassin's Creed. Ah ouais. Et s'il y a un jeu qui, en ce moment, je trouve, prend un peu les gens pour des imbéciles, c'est un peu les Assassin's Creed. Ouais, mais tu sais ce qu'elle veut faire, ce qu'elle peut faire dans ce sens effectivement. Ouais. Puis ce qu'elle doit faire. ce qu'elle doit faire. Sachant que le monde des jeux vidéo est un monde vraiment pas facile pour les développeurs. Quand on est indépendant, ça l'est beaucoup plus. Mais quand c'est des gens comme ça qui vont se retrouver dans des grosses entreprises, c'est très difficile pour eux de faire tout ce qu'ils peuvent avec, avec leur moyens. Des fois, ils ont, je me rappelle d'une citation de Nintendo. Ben, citation, on parlait de Nintendo qui avait commandé un jeu et qui leur avait donné un an pour faire le jeu, alors que normalement, ce type de jeu-là, il n'y a pas si longtemps, aurait pris à peu près 3 ans de développement facile. Ben, souvent, on va faire le jeu de base, puis après ça, on va faire du contenu téléchargeable. Il y avait un autre jeu aussi où les joueurs, les développeurs disaient à tout le monde que c'était buggé, que le jeu était buggé, et qui ont sorti quand même pour le pousser pour le temps de Noël, et qui finalement, des développeurs un peu à l'anonyme ont lancé sur les réseaux comme quoi que le jeu était buggé et pointé les bugs à gauche et à droite. Ouais. Le jeu a fait un gros flop à cause de ça. Ah oui? C'est quel jeu? Je m'en rappelle pas. Le Batman? Je m'en rappelle pas. Non, ça me semble que... Ah oui, c'est peut-être un Batman. Ouais, je pense que oui. Oui, c'est un Batman qui était sur GameCube. Ouais, ça se passe. C'est-tu pas triste? En tout cas, bref. C'est-tu... Ah, hey! C'est full dans la négation. C'est full triste. Non, excusez. Mais oui, non, mais c'était pas sarcastique. Toi puis moi, je pense qu'on a tout dans l'air sarcastique, peu importe ce qu'on dit. Ouais. Le prochain, un bon Jack. Bon, fait qu'on va passer au suivant. Donc, je vous ai mis le blog, un blog de Canoë, une filiale de La Presse. En fait, non, Journal de Montréal. Journal de Montréal. Canoë, ah oui, pour vrai? Canoë, c'est québécois. Ah oui, c'est vrai. Donc, dans le fond, en fait, c'est le blog, pas tant le premier sujet que vous voyez, parce que c'est des sujets assez touchés qu'il va l'utiliser, et c'est Claude Fournier, alors un cinéaste, réalisateur, qui tient ce blog-là. C'est pas très beau, blanc sur noir, comme ça. Ouais, c'est un peu sombre. Ouais, c'est dur à lire. J'ai essayé de lire, mais pour vrai, c'est très dur à lire. Mais les sujets sont très intéressants. Il parle, entre autres, de l'affaire Jutra. Il parle aussi bon, ok. Pierre Campelado. C'est écrit des cadeaux magnifiques. Fait que j'ai... Oui, c'est ça. Des Pierre Campelado. Alors, de ce qu'il reçoit. Il parle de Québécois, son employeur. Il va parler des gens, justement, qui sont autour de lui, qui gravitent autour de lui. Alors, c'est assez intéressant. C'est quelqu'un qui connaît ce monde-là. Alors, c'est un blog un peu caché que je ne connaissais pas. Ouais. Suivant, je vais y aller vite. Bon, on parlait d'immigration tantôt. Oui, avec vous, Sébastien Gartin. Vous avez mis un lien sur l'immigration. Bon, donc, merci, suivant... c'est fin. Donc, 10 à 20. Alors, la magie, aimez-vous la magie? Oui, mais j'ai toujours aimé la magie. J'ai aimé toujours la magie expliquée, mettons. Tout ce qui est genre... Ce qu'il y a derrière un tour, comment tu veux savoir le faire? Tour, ok. J'aime ça, moi, ces affaires-là. Toi, tu veux savoir comment ça marche, là. Okay. Je suis curieux. C'est vrai, hein? C'est vrai? Ouais. Ben, en fait, je vous ai mis un lien, alors, d'un site où une personne qui semble faire de la magie dans la vie fait une critique d'un autre magicien. Il dit qu'un autre magicien est poche et qu'un autre magicien est très, très bon. Okay. Il explique pourquoi. Je dois dire que son argumentaire se tient. C'est plutôt intéressant. C'est qu'il prône beaucoup la magie qui va plus y aller avec la dextérité, la manipulation. Ouais. Donc, la première vidéo montre un magicien qui prend un burger dans une affiche, qui est une affiche qui indique des burgers, un menu, et qui va aller sortir un burger de ce menu-là. Un peu comme Luc Langevin fait. C'est ça, et le manger. Mais c'est dommage cool, ça, si on pouvait tout le temps faire ça. Mais oui, si on pouvait tout le temps. Coûterait pas cher. Oui, la personne explique que ce tour de magie-là, pour lui, c'est boboche, et prendre les gens pour des imbéciles, que c'est vraiment pas bon, bref. Mais il l'a sorti d'où son hamburger? Ben, si tu cliques en dessous, il y a une démonstration de comment qu'ils font. C'est vrai que c'est pas mal moins intéressant quand tu le vois, puis tu dis, finalement, toi, tu peux le faire, moi, je peux le faire, Tania peut le faire, on peut tous le faire. Lui, là-bas, qui passe dans la rue, peut le faire aussi. Ben, je vais le faire, bon. Pas lui qui est assis. Mais non. Je suis en train de regarder comment... Ok, je pourrais passer la journée à regarder ça. Okay. on pose toujours la question. Non, c'est ça, on dévoilera pas le truc. Puis tout de suite après, il y a une autre vidéo où il montre un magicien qui fait un tour de cartes qui est plutôt intéressant parce que ça prend de la dextérité. Plus intelligent. Puis en fait, c'est qu'il construit surtout l'univers. Alors, il parle avec les spectateurs, il fait une discussion. C'est l'art de faire de la bonne magie. C'est ça. Alors, c'est un peu le lien que je vous mettais que je trouvais très intéressant. L'autre, passez très vite, toujours 10 à 20 sur qui s'occupe des imbéciles. Qui s'occupe des imbéciles. Je vous ai mis un site qui s'appelle Notre Famille. Ne le jugez pas. Quand j'ai cliqué sur l'accueil, c'est très beau, c'est très bien fait. C'est rose aussi. C'est rose longtemps. Ça donne le goût de manger des bonbons. Comme Malune! Oui. Et pourquoi ce lien-là? Qu'est-ce qu'il y a, ce lien-là de spécial? Ben, t'as pas vu c'est quoi ça parle? Mon fils fait l'imbécile à l'école. Ouais, et c'est voilà. Ça. Voilà, ça, c'est facile de même. Tu sais, c'est... Ah, OK, je pensais qu'il y avait personne qui avait répondu à cette question. Non, j'étais non, comme, ben, oh, non, madame. Ben, c'est des gens qui disent qu'il faut punir... Ben, tu sais, qui disent, mon enfant, il est pas facile à l'école, blablabla, ouais. Il fait des trucs pas corrects, puis faut le punir, j'y prive de tout, je le prive de tout, j'y donne... Il y a une affaire que je trouvais très drôle, par contre, la mère qui dit à un moment donné... je lui donne 50 lignes à recopier pour le punir. Il m'en fait 60 parce qu'il me dit que ça lui tentait. Je trouve que l'enfant est très drôle. Mais en fait, je trouve que en fait, c'est le syndrome typique, selon moi, des gens qui se dirigent vers la mauvaise branche. Je pense plus qu'il faut récompenser l'enfant et trouver pourquoi ça ne l'intéresse pas. Probablement que c'est parce qu'il n'est pas assez stimulé à l'école. Ben, peut-être. Mon avis personnel du très peu que je sais. Hey, la première réponse, c'est « Ma fille vient de se choper une punition. » Je ne dois pas me retourner pour discuter. Ça, c'était les punitions que je pognais. Ah ouais? Parce que ouais. T'étais une jacasseuse, pas mal? J'étais une jacasseuse. Une papoteuse. Mais c'est niaiseux. Parce que là, tu fais juste apprendre tout le temps que la loi du silence, c'est ça qui prône, alors que c'est niaiseux. Parce que si tu ne discutes pas, tu ne sauras jamais que tu as tort. Exactement. Oh, hein? C'est bien dit. Bon, voilà. Tu vois, c'est ça que j'essayais de faire quand je que quelques petits résultats pour terminer ça. Oui, oui, je vais y aller très, très vite, en fait. Alors, en une minute, je vais l'éclencher. Je te crois. Alors, oui, oui, crois-moi. Alors, 20 à 30, c'est un lien de Bill Clinton qui explique pourquoi il est végétalien. Il est végétalien. J'ai jamais entendu ça. Ah, non, ouais. j'ai confirmé avec le Huffington Post. Ah, c'est pas cette chose-là. J'ai confirmé avec lui. Ouais. Oui, oui. Je l'ai appelé. En fait, il dit qu'il invite le monde à déjeuner, fait que c'est cédulé. Hey, Bill! Cool! How you doing? Alors, il est végétalien, il explique pourquoi, il explique que ça a changé. Il y a un peu un aspect politique là-dedans, mais c'est vraiment alimentaire. Fait que ceux qui s'intéressent à la politique, passez votre chemin. La seule viande qu'il mange, c'est... Monica Lewinsky. Wow! Oh! Wow! Ça va trop loin. Moi, je l'ai pas entendu. Terrible. Ensuite, Clubic, alors qui de 30 à 40, alors on a un lien sur des archéologues, et ça, je trouve ça franchement intéressant, ça touche vraiment à une de mes valeurs. Ah oui, très l'archivage. Une de mes valeurs personnelles est très, très, très, très haute dans mon estime. La protection des lieux historiques, ouais. En ce moment, il y a un gros drame qui se passe dans le monde, que l'on a parlé et qui, en général, quand j'en parle au monde, ça passe un peu inaperçu, et les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un drame assez atroce, selon moi. Des islamistes qui font exploser des vestiges, alors qui font exploser des patrimoines mondiaux, des endroits des statues, qui sont des statues, ouais. des temples, des anciens temples qui sont des trésors incroyables pour l'humanité, qui va autant nous en faire apprendre sur nous-mêmes que sur la vie en général sur la Terre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été utilisé avant, qui n'est pas utilisé ici. C'est une richesse incroyable de culture, d'échange de culture qui sont en train de détruire. Donc, il y a des archivistes qui sont en train de proposer d'utiliser des caméras 3D pour aller vite, vite, vite sur les lieux, prendre les lieux, filmer les lieux, les scanner, les mettre en 3D, pouvoir les étudier et comme ça faire une protection au moins visuelle et en 3D des lieux. Et peut-être les faire réimprimer en 3D après les statues en tant que telles. Oui, ouais, ben, sachant où la technologie s'en va, voilà. Ça me paraît pas si fou que ça. Génial. Comme idée. Donc, c'était ça. Parenthèse, je pense que je disais que ça prenait quelque chose comme... 5 000 à 10 000. C'est ça. Ça, c'était ça prend 5 000 à 10 000 caméras 3D à déployer entre 3 et 6 mois. Oh! Pour vraiment tout prendre en 3D. Une petite je pense que le caméraman a peut-être sauté avec. C'est ça. Et finalement, 40 à 40, je vous ai mis un petit 40 lien. 40 à 40. 40 à 40. Non, mais c'était vraiment un short. Okay. Juste la page 40, OK. 40 à 50. c'est un lien, en fait, où on retrouve différents comptes. Ça aussi, le site n'est pas super beau, mais vu que je termine tout le temps avec un lien qui a plus ou moins rapport avec la question qui était « Qui s'occupe des imbéciles? » Ben, essayez de le trouver, c'est caché à quelque part. As-tu le mot le imbécile. As-tu essayé le site? Le site, je l'ai pas vraiment essayé, je dois t'avouer. J'ai vraiment tombé dessus. Chaque lien que tu passes dessus ouvre quelque chose. Oui, oui, ça, oui. Puis quand tu tends sa souris, ça ferme, c'est tellement agressant. Ah! Ouais. Ah! En tout cas, hey, non, ça touslescomptes.com. C'est pas le site de ma banque, là, tous les comptes. C'est des comptes, en fait. Des comptes. Il y a une histoire qui s'appelle La fille sans main. Oui, ben oui. mon fantasme. C'est des contes de toutes les lignes qui ont terminé là-dessus. Tijan et le cheval blanc, le héros paralysé, le conte des œufs. La vieille. C'est tellement beau. Donc, voilà, c'était la question « Qui s'occupe des imbéciles? » Oui. Dans Google Globe. Je t'avoue que les deux derniers liens, là, super reliés avec les imbéciles. Oui, vraiment. Hein? ben là, en général... J'étais en roulant les yeux. Ce qu'il fait bien ta job. Ce qu'il faut retenir, c'est que occupez-vous de vos imbéciles. Finalement, il n'y a personne qui le fera. Ça a l'air... Gérez-les vous-même. Je suis un peu déçu. Une autre question bien posée et bien répondue. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 8h30 pour une autre édition de Google Globe. Merci Frédéric Bernard. Ça fait plaisir. On va te voir à la Luître les lundis soirs à 20h à la Chasse-Galerie. Tu joues oui. Le prochain match? Oui, le 14 mars. Je vais faire 2 jokes. Ah, cool! Ben ouais. C'est bon d'avoir un quota. Ouais, non, c'est ça, mais en même temps, trop des fois, ça... Ouais, ben, ça élève la moyenne, puis la courbe de... Ouais, c'est ça. Puis là, il y a des gens qui sont fâchés après. Ils disent, t'as volé ma joke, tout. Parce qu'on s'est préparé avant. Ben oui, c'est scripté. Ben oui. L'improvisation, ça... L'impro comme si on improvisait pour vrai. Merci, Fred. De rien. Bonne journée. On s'écoute une minuscule petite chanson de Young Rival, Where's It All Going? Et après ça, on parle avec notre invité spécial de la journée. Reste là. Cross the lines a couple of times, Will. Come on. Sick and tired of losing my mind, yeah. Roll on. Oh, what, huh? Did a line a couple of times, I find no place to go on. Assemblage requis. Où est-ce qu'on s'en va? S'en va à voir notre invité spécial. Oui. Adis, qui est avec nous pour parler. En fait, c'est Adis Simidjia. Exactement. Pas mal ça, hein? Qui est là pour nous parler des livres et des réfugiés. Pour commencer, ben, on veut savoir qui tu es, d'où oui. tu viens. Parle-nous de toi. Oui, parle-nous de toi. Oui, ben, j'aimerais peut-être profiter de l'occasion, en fait, pour souhaiter encore une fois aujourd'hui une bonne journée internationale des droits, des droits des femmes, en fait. Oh, des femmes. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'invite les hommes, en fait, à faire de même à tous les jours, parce qu'il faut, pour la lutte à l'égalité, je pense qu'on a un très gros travail à faire entre nous. Tout à fait. Puis arrêtez les hommes de chialer aussi qu'il n'y a pas de journée des hommes. Vraiment, il y en a une, c'était en novembre, genre. Et le reste de l'année au complet, pas mal la journée de l'homme. 365 jours par année, c'est la journée des hommes, mais... Parce qu'on est bisexuel cette année, c'est ça. En plus, oui. Donc, mais c'est important de savoir notre rôle en tant qu'homme dans cette lutte qui n'est pas de prendre la place des femmes, mais bien sûr d'être des alliés. Bien donc, dit. Voilà. C'est bien dit. Et c'est pas parce qu'on est des hommes qu'on peut pas encourager la cause des femmes. Exactement, oui, voilà. Absolument. Donc voilà, moi je suis ici pour vous parler en fait d'un organisme à but non lucratif que j'ai fondé qui s'appelle Des Libres et des Réfugiés. C'est un organisme dont la mission consiste à faciliter l'intégration scolaire et sociale d'enfants réfugiés. Mm-hmm. Okay. Je vous avertis tout de suite, je ne suis pas né dans le bas du Cap, même si je n'ai pas d'accent. Je suis né en Bosnie-Herzégovine en fait, en 88, et on a immigré ici, ma mère, mon frère et moi, en 88. 18, donc à l'âge de 10 ans, je suis arrivé au Québec et maintenant j'en ai 27, donc faites votre calcul. Ouais. Ça fait 17 ans que je suis au Québec. Il l'a fait pour nous finalement. T'sais. Ouais, c'est on n'a pas besoin de faire de maths, c'est le fun. Ouais, voilà. Parce que je peux essayer de faire des maths. T'sais. Ah non, mais c'était les maths, j'ai fait des maths fortes au secondaire et j'ai fait une formation en sociologie à l'université, donc voilà, c'est des choses, c'est des domaines qui sont un petit peu éloignés, mais quand même connexes. Ouais. Voilà, donc je suis venu vous parler en fait d'un livre que j'ai publié dont la totalité des profits va pour l'organisme. Okay. Okay. Le livre s'appelle Des livres réfugiés. Le livre s'appelle Confession d'un enfant du 21e siècle. Le titre est un petit peu emprunté à Alfred de Musset, ce cher poète du 18e siècle, puisque je m'inspire beaucoup de Musset. Je commence le livre par une citation d'Alfred de Musset et je termine par une citation de Marguerite Duras. Donc, on voit tout de suite qu'il y a une égalité des sexes dans ce voilà. livre-là. J'ai tenté, en tout cas. Je peux commencer peut-être par vous lire un extrait de l'avant-propos qui introduit un peu mon histoire en une demi-page, qui commence comme suit. Je suis né en ex-Yougoslavie en 1988, plus précisément à Mostar, une petite ville plongeante dans les montagnes dans le sud de ce qui se veut maintenant la Bosnie-Herzégovine. Fils d'une famille musulmane tout à fait ordinaire, un père aimant, une mère attentionnée, un grand frère formidable, j'ai eu la chance d'avoir une éducation basée sur le partage, l'amour et le sacrifice. Il faut comprendre que le contexte de l'époque ne présageait rien de bon pour un enfant musulman marqué par la guerre. Soit il mourra, soit il s'engagera dans les rangs djihadistes, répétait-on souvent. Parce que la guerre de Bosnie fut marquée par un fort investissement de djihadistes qui étaient venus aider, entre guillemets, le pays à se libérer. Mais surtout, recruter des enfants orphelins. Naturellement, il m'aurait été facile de tomber dans le piège de la haine. J'ai perdu mon père au début des années 90 lorsque je n'avais que 3 ans et quelques poussières. J'ai aussi perdu des amis que j'ai vu mourir devant mes yeux, regorgeant de naïveté et d'incompréhension. J'ai vu quelle forme pouvait prendre les plaies de la guerre lorsque j'ai posé mon regard sur ce crâne ouvert d'un ami qui gisait à côté de moi après avoir été tiré par un sniper. Il se trouvait à une longueur de bras d'enfant de moi. Donc, c'est pas très léger. Non, c'est ça, c'est pas la chose la plus facile à lire. Et à vivre, surtout. Et à vivre, oui, tout à fait. Et toi, j'imagine que tu l'as lu plusieurs fois, donc l'émotion... paraît peut-être moins que lorsque tu vis pour la première fois. Il y a eu beaucoup de larmes. Je pense que j'écris avec mes larmes et c'est ce qui est important de savoir. C'est Edgar Allan Poe qui disait que la mélancolie était la plus belle inspiration qu'un poète pouvait avoir. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de mélancolie dans ce livre parce que je me livre aux lecteurs, lectrices, donc, puisque c'est des confessions et je n'ai pas voulu censurer. Mm-hmm. Le livre, en fait, est composé de nouvelles et de poèmes. Et il est illustré aussi par une amie à moi qui m'est très chère, donc Aurélie 5 Mars, qui est une trifluvienne aussi, qui a fait d'extraordinaires illustrations. Elle a fait la page couverture. Elle est aussi. C'est toi sur la couverture? Oui. Oui. Oui. Oui. Ça, c'est une ressemblance, en tout cas. Et il y a une dizaine de ces illustrations qui sont là, qui ont été choisies, en fait, pour illustrer, pour commencer, en fait, certains textes donc, et poèmes. Donc voilà, c'est vraiment, je me livre un petit peu dans ce parcours identitaire où on se retrouve face à plein de troubles, parce que ce sont des tabous de la société d'aujourd'hui, les troubles de santé mentale, etc. On y est tous et toutes enclins. Donc, c'est quelque chose d'important pour moi de me livrer, mais en même temps, je le fais dans les nouvelles et les poèmes, j'utilise des noms fictifs, mais je le dis dans l'avant-propos, c'est moi. pourquoi j'utilise des noms, fictifs, c'est essentiellement pour me détacher, parce que vous l'avez mentionné, c'est quelque chose qui était difficile à écrire, c'est une thérapie en même temps, et on plonge dans l'inconscient, beaucoup. Donc voilà, je peux vous lire peut-être un autre truc, oui, parce que au-delà du fait de me livrer, je porte une critique assez radicale à cette société. C'est ce que j'ai demandé, est-ce que le but était de seulement sortir tes émotions ou est-ce que c'était de porter à réfléchir sur un sujet ou un autre? Ben, lorsqu'on est révolté, on veut porter l'attention sur des sujets qui nous tiennent à cœur et que les injustices face auxquelles on fait face, face auxquelles aux autres font face, parce que je ne suis pas seul là-dedans, donc je parle, je m'adresse aux gens, mais aussi il y a une critique de ce système capitaliste, il faut le dire, ouais. Qui est assez injuste et qui reproduit des inégalités extraordinaires. Donc, une des raisons pourquoi je me dirige, en fait, je dirige vers les fonds, vers l'intégration scolaire d'enfants réfugiés, c'est parce que merde, on coupe, et on n'est même pas capable d'intégrer adéquatement nos propres enfants, les enfants québécois, québécoises. Donc, c'est quelque chose de particulier. Donc, bien sûr, il y a une critique assez virulente de cette société à travers ça, parce que moi, j'ai une formation en sociologie, comme je l'ai dit, donc c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas teinter mon écriture. Donc, je vous lis un extrait, en fait, qui relate de ça, où j'aborde, en fait, j'aborde le suicide d'une manière assez critique face à la société face à laquelle on se retrouve. Donc, tout de même, je restais là en silence, quoique maintenant suffisamment éloigné du danger, puisque je devais parcourir quelques centaines de mètres au cas où les pulsions de mort refaisaient surface. Juste assez loin pour qu'elles s'évaporent dans la monotonie nocturne avant que je n'arrive sur le bord pour me lancer dans le vide. Je me suis résigné à fixer l'infinitude comme une statue sur laquelle chient les pigeons et se prosternent les fidèles. J'ai pensé que j'aurais aimé être une statue de pierre. Une statue passe sa vie à ne rien demander, à ne rien ressentir, à ne rien offrir. Pourquoi n'ai-je pas répondu lorsqu'au lycée on m'avait demandé ce que je voulais devenir dans la vie, que je voulais devenir une statue? Après tout, ne sommes-nous pas tous des statues à notre manière? On reste insensible aux atrocités du capitalisme, de l'intégrisme religieux et aux fleurs qui meurent. Même que parfois, des pigeons nous chient sur l'épaule comme pour nous rappeler qu'on n'est rien d'autre que des chiottes, au mieux malchanceux. C'est pas mal dit. Hein? Ouais, c'est ça. Il y a une image derrière ça, c'est très, très imagé. J'ai fait l'exercice avec les gens lorsque je présentais le livre. Je leur demandais de choisir n'importe quelle page et il allait avoir une image très forte dans la page. C'est pour ça que j'ai choisi la forme de nouvelle et c'est provoquant de poème. Un peu. Oui, ben provoquant, mais pas dans le sens... C'est pas sensationnaliste non plus, mais c'est de prendre la réalité et de la monter d'une façon imagée. Exactement, parce que c'est important de cultiver l'imaginaire des gens parce qu'on ne le cultive pas assez. Ouais. On ne le stimule pas assez. Donc, ça prend un effort extraordinaire pour arriver à stimuler l'imaginaire d'une personne. Donc, c'est pour ça que j'utilise des mots très, très durs. Oui, trash par moment. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui se fait de lire le livre d'un bout à l'autre ou je pense qu'il doit falloir y aller à petite dose, c'est pas mal? Ben, il y a des gens qui m'ont dit, là, sans prétention, qu'ils ont lu le livre d'un bout à l'autre parce que ça se lit assez rapidement. C'est un petit livre quand même assez mince, là. Oui, il fait 177 pages, puis il y a des illustrations, donc ça se lit assez rapidement. Mais les gens m'ont dit qu'ils pleuraient et riaient en même temps, parce qu'il y a des choses drôles là-dedans, parce que j'essaie de quand même de jouer avec l'humour, mais il faut quand même faire abstraction et il faut transcender en fait le côté trash de la vie parfois, parce que moi j'ai vécu la guerre en tant qu'enfant, j'ai immigré au Québec, je parlais pas le français, je parlais pas l'anglais, donc l'intégration bien sûr elle se fait de manière plus difficile, donc c'est sûr que c'est difficile d'exprimer des choses d'une manière jolie et joyeuse, comme je fais référence aux fleurs en fait qui meurent, en les mettant dans le même contexte que les atrocités du capitalisme et de l'intégrisme religieux, mais les fleurs il faut les voir comme une métaphore d'enfants par exemple qui sont exploités par les sweatshops par Nike, Adidas, etc. Pour ne nommer que cela, sans vouloir discriminer les autres, parce qu'il y en a très d'autres qui en font de l'exploitation infantile et dans les sweatshops. Même Apple, en fait, t'sais. Tout le monde fait ça. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, donc c'est ça, il y a toujours une crise, mais oui, ça peut se lire d'un bout à l'autre. Il y a même des gens qui me sont revenus pour me dire qu'il y a une ligne, ce qui n'était pas mon but, en fait. Mon but, c'est vraiment les textes détachés, les poèmes détachés. attaché. Bien sûr, les structurer de façon qu'il y ait un sens, mais il y a un lien tout le long du livre. Donc, un fil conducteur. Mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas capables de le lire après avoir lu la première et la deuxième nouvelle. Ils n'étaient plus capables de le lire parce qu'ils ont vécu des choses semblables. Parce que j'aborde le concept de suicide, puisque ma première nouvelle, c'était ma lettre de suicide que j'avais écrite, et ensuite, c'est ce qui m'a un petit peu dissuadé de ne pas le faire. Mmh. Et ensuite, je l'ai restructuré pour en faire une nouvelle. Donc, voilà. Donc, ça provoque beaucoup. Mais il y a des choses plus jolies. Oui. Il y a des choses plus jolies, bien sûr, comme le poème que j'ai écrit ici, qui est un peu drôle et ironique. J'aime bien jouer avec l'ironie, qui s'appelle « Ironiquement, ni roman, ni poème », pardon. Donc, ça va comme suit. « L'automne remplit ma poitrine de douleur de sorte que j'aime pour un rien. » J'aime pour une idée, j'aime pour un sourire, j'aime pour une phrase enchantée, pour un nom rempli de sonorité. Comment leur faire comprendre que je ne suis pas un roman, ni un poème? Que je suis d'une banalité à faire mourir les cadavres d'ennui, que je ne suis qu'un bohème. Que je ne suis pas polyvalent en amour, pas plus qu'en sexualité. Que je ne sais pas aimer dans la multiplication des amours polis, dans ces milliers de complicités. Dans cet océan polyamoureux de tous ces corps qui remplissent son cœur pour se rafraîchir. Cet océan qui porte en lui des milliards de lettres d'amour qui ne sont jamais rendues à destination, qui se sont laissées mourir. L'incarnation d'un amour saint, le corps du Christ, du divin, du vin, des jeux et du pain. Comment lui faire comprendre que je l'aime pour un peu? Je l'aime pour un sourire, je l'aime pour une phrase, je l'aime pour un rien. Tous ces riens additionnés donnent une raison à l'admiration, à la contemplation et aux amours sans explication. Comment lui faire comprendre que mon cœur bat à la seule pensée de son nom, d'une plate régularité sans fond? Que c'est d'une normalité insoutenable ce sentiment qui m'habite, que c'est vraiment con. Un sentiment qui depuis longtemps est itinérant. Qui vagabonde d'une paire de yeux à une autre, qui grave dans la mémoire du cœur la poésie qui est déjà celle d'une autre. L'autre sans rime dont la peur d'aimer est le seul crime. L'autre dans la prose de la vie, les amours échoués comme les cadavres des voiliers dans ses souvenirs ébouriffés. Addition, multiplication, seule la division donne un sens aux amours qui prennent le train de l'inaction. L'amour, c'est souffrir, pardonner, c'est prendre part à l'action. C'est se laisser prendre, oublier, c'est se perdre dans la passion. Hmm. Donc il y a des choses plus jolies comme ça qu'on retrouve. En effet. Absolument. Ce livre-là, donc tu l'as dit, les profits vont complètement à l'association, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un organisme à but non lucratif enregistré au registre des entreprises du Québec depuis 29 janvier, donc c'est très récent. Ouais. Donc le livre se retrouve à la coop de l'UQTR et aussi dans tous les points de vente de la Coopsco qui ont accepté en fait de prendre le livre en consignation sans faire de profit. Ah wow! Donc, ça arrive très très rarement, ouais. Et il y a aussi la librairie Olivieri à Montréal qui a accepté de le prendre aussi en consignation sans faire de profit. Donc, ce qui est extraordinaire, j'aimerais les remercier les deux, absolument. Bien évidemment, et inviter les gens, lorsqu'ils vont acheter le livre, d'aller acheter d'autres livres, si ce n'est qu'un petit bouquin de poche, pour les encourager. Donc, voilà. Et je serai aussi au Salon du livre de Trois-Rivières le 19 et le 20 mars prochain. Ça s'en vient, 19-20 mars, Salon du livre de Trois-Rivières, et à la Coopsco de l'Université du Québec à Trois-Rivières, et ici même sur le campus, juste à côté de nous, pour se procurer ce livre-là. Donc, le livre, encore une fois, s'appelle Ça s'appelle Confession de l'enfant du 21e siècle. Voilà. Et l'organisme sans but lucratif a enregistré du ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta s'appelle Des livres et des réfugiés. Toi, ton nom, c'est Adis Simidia. J'ai une question pour toi, si tu me le permets. Absolument. Après avoir vécu autant d'atrocités étant jeune, t'es venu ici, t'as connu autre chose. Est-ce que c'est une espèce de poursuite du bonheur ou un constant spleen? Oh là, le concept du bonheur, je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais bien découvrir ce que c'est, parce que je l'ai cité tout à l'heure, Alan Poe, qui, par rapport à l'inspiration qui vient de la mélancolie. Moi, mon inspiration vient essentiellement de la mélancolie. Mm-hmm. Je ne poursuis pas grand-chose, sauf une certaine forme de justice sociale que j'essaie d'atteindre à travers mes propres gestes, mm-hmm. à travers mes propres actions, et à essayer d'influencer les autres qui m'entourent, parce que, je veux dire, la révolution, elle ne se fait pas sur une base... c'est une poursuite de la révolution, merde. Oui. C'est une poursuite de la révolution, donc ça se fait pas sur une base grandiose, etc. Ça se fait sur des petites bases, sur des bases d'éducation au niveau des institutions, au niveau de la famille, au niveau... Je mentionnais au début, j'ai introduit la chose en rappelant que la Journée internationale des droits des femmes, c'est pas juste une petite journée, c'est tous les jours qu'on doit le reconnaître. Donc, c'est ça ma poursuite et ma raison d'être et de vivre, je pense. C'est très bien expliqué. Très bonne question, très bonne réponse aussi. Oui, c'est ça. Donc, Adis Simidia, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon succès avec ce livre.